Konnichiwa les smarts, konnichiwa les marks, et vous écoutez ou regardez Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Alors vous l'avez compris, hein, aujourd'hui pas de catch américain, pas de WWE, on parle de New Japan Pro Wrestling, pour Wrestle Kingdom 12, Watashiwa Amina Lambales, et bien sûr je suis accompagné du spécialiste du catch indépendant du catch japonais chez nous, Linkside Sensei, Genki desu ka? Konnichiwa à tous. Ben oui, donc. Bonne année 2018. Ouais, bonne année 2018 à tout le monde. Encore une fois, nos vœux les plus sincères avec ce cadeau qu'on a eu, donc ce New Japan Pro Wrestling Wrestling Kingdom 12, hein, le plus gros show de la fédération japonaise et le second plus gros show en termes de public, hein, au monde après WrestleMania. Donc c'est la troisième vidéo, hein, dernière cette trilogie qu'on a eu la joie de faire ensemble avec Ringside. La première où on vous explique, surtout Ringside, hein, tout ce qu'il faut savoir sur la New Japan, les factions, les principes, les différences, les ceintures, les champions. La deuxième, on a passé au crible fin toute la carte de Wrestle Kingdom 12, et donc ben, cette troisième dernière vidéo où on va ben, parler du show tout simplement, hein, de ce gros show japonais, et du coup assez content de voir que ben, le Catch Up Universe a répondu, hein, pas mal de gens qui ont laissé des commentaires sur les vidéos, etc. Donc on espère qu'avec tout ça, certains ont pu découvrir et apprécier ce gros show. Alors déjà en termes de chiffres, d'attendance de public, l'année dernière, Wrestle Kingdom 11 avait fait, je crois, 26 000 spectateurs, hein, si j'ai pas de bêtises. À peu près, ouais. Ouais. Et donc là, cette année, on est passé à 35 000. C'est ça. Les plus grosses influences depuis au moins les 15 dernières années. Ouais. Donc, gros succès déjà, rien qu'au niveau des entrées. Ça s'annonçait bien au niveau des préventes et ça s'est concrétisé le soir de l'événement. Voilà, le début de l'explosion peut-être de la New Japan sur la scène internationale. L'avenir nous le dira. Ouais, bah on leur souhaite, hein. C'est sûr qu'ils ont, fait ce qu'il fallait en termes de hype dans les matchs, hein, surtout sur les ce qu'on dit les double main event. Donc on verra ça. Donc on va commencer avec le début de la carte. On fera pas du descriptif match, tous les spots, etc. Parce que c'est quand même plus de 3 heures de show, donc ça serait extrêmement long. Mais on va parler plutôt effectivement des ressentis, de ce qu'on garde de ces matchs-là. Bon, on va commencer avec celui qui fait plutôt augure de kick-off qu'autre chose. Le Rumble, hein, chaque année, Wrestle Kingdom, ça commence par un Rumble. Cette année n'a pas coupé la tradition. Et Ringside, tu nous avais dit effectivement dans le premier podcast qu'on avait fait ensemble sur ce sujet, bah, que la New Japan ne sait pas faire de Rumble. Et ben du coup, on a bien pu... voir cela. Voilà, c'est confirmé. Vous avez pu juger sur pièce. Ouais. Donc voilà, un Rumble, hein, qui est pas du tout du calibre d'un, même en termes d'enjeu, c'est pas du tout le Royal Rumble à WWE, ça garantit absolument rien. Il y a même pas un trophée comme à la fin du Royal Rumble, enfin du Rumble André le Géant. Il y a rien, c'est juste un opener où on met un peu tout le monde qui est pas dans la carte, plus des petites guests comme ce très populaire cheeseburger qu'on avait déjà vu l'année dernière, hein. Très populaire au Japon. Ah ouais. Assez incroyable. Donc c'est un mec qui est fin, mais moi j'ai l'air un peu carré à côté de lui. Et son surnom c'est Cheeseburger. Il est resté assez longtemps dans le match. Au final de ce gros bordel, donc c'est Masahito Kakihara qui gagne en éliminant Cheeseburger. Déjà pour savoir que dans le Rumble japonais de New Japan, on peut être éliminé en passant par-dessus la troisième corde, hein, comme dans ce qu'on connaît la WWE, mais aussi en prenant un tombé. 1, 2, 3 classique. Donc ça déjà c'est un peu déroutant. Un peu déroutant. Ouais, voilà, quand on ne connaît pas. Donc voilà, donc Kakihara qui gagne le Rumble, hein, donc quelqu'un qui est pas très, moi je connaissais pas. Apparemment c'est un catcheur qui revient d'un traitement de cancer. Hein. Il a eu un cancer, c'est ça, il revient. Il a vaincu le cancer, ouais. Ouais, donc il y a un petit côté message positif. Hein, on le sentait. Il a fait une petite promo, derrière après le match. Donc du coup voilà, il avait aussi un t-shirt, je crois, qu'il portait par rapport à une œuvre caritative. Donc voilà, c'était un peu l'instant make a wish de ce Wrestle Kingdom. Donc voilà, toi tu connaissais ce catcheur ou pas? Je le connaissais pas précisément, ouais. Mais j'ai fait ma petite enquête, hein, donc effectivement c'est un catcheur qui a performé dans les années 90, hein, qui revient effectivement d'une bataille contre le cancer. Il était à l'UWF International à l'époque. C'est une fédération, pour la petite histoire, qui proposait du catch shoot wrestling, donc du catch le plus réaliste, très influencé par le MMA. Mmh. Et c'est une fédération qui a eu une rivalité, un angle d'invasion avec la New Japan au milieu des années 90, puisque l'UWS se revendiquait comme du vrai catch. Et donc, via Lutès, hein, le légendaire Lutès, qui était le porte-parole un peu de WWF, qui avait dit que lancé à la cantonade, que le champion de la New Japan était un champion fake et que son champion de l'UWF était le vrai champion. Il y a eu un angle d'invasion et c'est cet angle d'invasion là qui a inspiré Eric Bischoff pour l'angle de la NWO. Ah, comme quoi tout se recoupe, hein. Voilà, exactement, à la WCW. Voilà, bah, pour le Rumble en lui-même, effectivement. Hein, donc, petit coup de chapeau donc, pour ce catcheur là qui a vaincu la maladie. On n'a pas vu beaucoup de légendes non plus cette année. Non. C'était vraiment les gens de la Locard, hein, qui ont fait le spectacle, un petit peu de mise en valeur du Suzuki Gun, qui ont nettoyé le ring à un moment donné, ils étaient les trois à conserver. Mm-hmm. Il y a eu un petit moment marrant avec Yujiro Takahashi là, qui se retrouvait tout seul dans le ring, qui se retourne et qui nous fait il n'y a personne ici en fait. Qui descend et danser avec. Ouais, voilà. Avec ça va aller, il y avait Jushin Liger et Tiger Mask 4. Tiger Mask 4, toujours présent. Ouais, il y a eu un bon pour moi, je sais pas si quelqu'un est sorti comme un peu le MVP du match. Moi j'ai noté particulièrement la participation et la prestation de Chase Owens, hein, des plus récents acquisitions du Bullet Club, qui à un moment donné a cliné le ring, hein, de plusieurs compétiteurs avec son package pile driver assez impressionnant, prise de finition. Tu dis ok, oui, je vois bien que son adversaire l'a plié en 4, donc c'est très logique qu'il soit éliminé. C'est ça. Ouais, Chase Owens là, ils sont en train de former, tout doucement, ça s'est formé un espèce de clan dans le clan, hein, du Bullet Club, ouais. le clan Tongan, hein, avec les frères Tangaloa et Tama Tonga, Léo Tonga, Bad Luck Fale et Chase Owens. Ça peut amener peut-être une rivalité interne au Bullet Club. En tout cas, une belle petite mise en avant de Chase Owens, qui était généralement un petit peu le mec qui se prenait les tombées sur l'année 2017. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne pop pour Kojima, le vétéran Kojima, oui, quand il a débarqué. Bon, il n'est pas resté longtemps dans le ring, hein, il s'est fait un peu éliminer comme une merde, mais grosse pop quand même quand il y a sa musique qui a retenti. Je suis toujours perplexe sur savoir pourquoi il donne pas des programmes un peu plus sérieux à Kojima. C'est un peu comme l'Undertaker au dernier Royal Rumble, quoi. Tout le monde pop quand il arrive, il se verrait comme une merde, voilà, par Roman Reigns au bout de 2 minutes, et voilà. Voilà, c'est un peu l'histoire qui se répète, effectivement. Voilà, bon, c'était pas pire que l'année dernière, il y a un petit peu d'avancée, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, comme on dit, ce Rumble, mais c'est une bonne petite mise en bouche pour débuter le show. Hein. Ouais, donc pas de Billy Gunn, comme nous dit Maxence, effectivement. Ouais, hein, voilà. Non. Donc, ah non, merci. Hein. On salue tout le monde sur le chat, Maxence, Sam, Galuf. Oh yes, ainsi que Terence. Donc voilà, ça c'est vraiment une mise en bouche traditionnelle. On va passer plutôt au début donc de la carte avec le premier match un peu sérieux, on va dire, hein, premier match donc de titre, hein, parce qu'on aura énormément de matchs de titre tout ce soir. Donc ce sont les ceintures par équipe junior, donc qui sont détenues par Roppongi 3K, Shoeyo, et donc ceux qui sont là ce soir pour devenir les 7 fois champions tag team junior, les Young Bucks. Donc à savoir que du coup Roppongi 3K sont accompagnés de leur directeur, hein, de leur coach Romero, qui était un ancien membre de Roppongi Vice, hein, puisque pour la petite histoire, les Young Bucks ont très longtemps été en rivalité avec Roppongi Vice, donc l'équipe de Romero et de Trent Beretta. Et donc voilà, Romero, pour se venger des Young Bucks, est allé chercher Shoeyo pour former une équipe 3000 fois meilleure que ce qu'était Roppongi Vice, à savoir donc Roppongi Friké. Donc match junior, donc un peu des gens très très aériens et très agiles, et c'est ce qu'on verra durant tout ce match. Énormément de jeux très heel, hein, très méchants, mauvais gamins finalement des Young Bucks, hein, ouais, qu'on fait plein de saloperies, plein de coups. Notamment ils ont fait à l'extérieur Super Kick Party et Meltzer Driver sur Romero à l'extérieur du ring pour le mettre KO. À un moment donné, l'angle du match sera surtout au niveau de l'histoire sur des blessures au dos, puisque donc on avait je crois que c'était Yo chez les Roppongi Friké et Matt chez les Young Bucks, qui avaient le dos complètement en vrac, et donc ils ont pas mal vendu ça. À un moment donné, il y avait leurs deux coéquipiers qui en fait donner des coups de pied sur l'autre, donc savoir que le Young Bucks qui était pas blessé sur le dos donnait des coups de pied sans s'arrêter sur le Roppongi Friké qui avait mal au dos, et inversement aussi en même temps. Donc petit segment rigolo sur les blessures. Regarde comme je fais mal à ton copain. Exactement. Ah ben je fais pareil. C'est moi qui fais mal à ton copain. Bam bam bam. C'est à moi, c'est à moi. Ouais. Un autre spot assez remarqué, mais qui du coup moi m'a, je pense qu'a rappelé à tout le monde hein, qui suit NXT. À un moment donné, on a les deux Young Bucks qui sont en prise dans une prise de finition en fait, hein, une prise de soumission de la part des Roppongi Friké, et donc on a, je crois que c'est Nick qui empêche Matt de d'abandonner, de taper. Et ça nous rappelle forcément. C'est Matt qui a mal au dos, donc voilà. C'est lui qui doit abandonner. Hein. Ça nous rappelle forcément le match tag team entre The Revival et DIY, où c'était le même principe. Les deux Revival étaient en soumission DIY, et donc du coup ils se chopaient les mains pour éviter qu'ils abandonnent à l'autre. Donc bon, c'est un spot qui est très intéressant, mais c'est vrai que forcément ça nous rappelle quelque chose. Surtout c'est rigolo quand on sait que, enfin rigolo. Ironique quand on sait que les Young Bucks ont longtemps lancé un hashtag FTR qui était pour hashtag Fuck the Revival, puisqu'ils contestaient le titre de meilleure équipe au monde des Revival. Donc du coup, de là à ce qu'ils volent un segment, du moins un spot d'un de leurs matchs cultes, on en passera ce qu'on en pense, hein. De toute façon, les Young Bucks, on aime ou on n'aime pas, ça c'est clair. Et au final, ce qui se passe, eh bien, du coup, après cette séquence, justement, eh bien, les Young Bucks reportent la victoire après un Meltzer Driver et un Sharpshooter. Donc, du coup, grosse victoire, ils deviennent les nouveaux champions Tag Team Junior. Et donc, cette fois, ils ont eu ces ceintures-là à New Japan. Alors, toi, ça a été quoi ton ressenti sur ce match, encore une fois, que beaucoup de gens peuvent apprécier? Ou d'autres vraiment détestés, parce que c'est pas du catch pour tout le monde, hein. C'est très marqué. C'est ça, il y en a qui qualifient ça peut-être de spot fest, mais il y a quand même une histoire qui est racontée derrière, et plutôt bien racontée, hein, avec ce double problème au dos, là, d'un côté Io des Roppongi Vice et de l'autre Matt Jackson. Donc il y a une histoire qui est là, il y a quand même des spots qui sont assez extraordinaires. On a même Rocky Romero qui participe, qui s'est bien explosé comme il faut sur la rampe d'arrivée. Non, ça c'est vraiment l'opener par excellence. Ça s'est pas arrêté tout du long. Les Young Bucks, ils tiennent parfaitement leur rôle. Ils ont joué plutôt la carte de la sobriété, même s'ils ont fait un petit peu les cons comparé à ce qu'ils servent quand ils sont aux États-Unis à la Ring of Honor ou par exemple à la Pro Wrestling Guerrilla. Ils sont toujours un peu plus sérieux quand ils sont au Japon, mais du coup on a eu un match vraiment très serré, vraiment très impressionnant, et Roppongi Friké, ils ont vraiment bien tenu la corde. Ils étaient encore une fois excellents. Il y a vraiment un énorme potentiel avec ces catcheurs là. C'est vraiment une très bonne entrée en matière pour le show. Il y a rien à redire. Pour moi, c'est un très très bon match. Ce sera sûrement un des matchs tag team de l'année. Moi, je suis très client de ces matchs là. En parlant de show, justement, moi j'ai été assez surpris positivement. Hein. J'ai beaucoup aimé l'un des deux Roppongi Friké, celui qui s'appelle Shio, celui qui est le plus baraque des deux, hein, on va dire, qui a un physique impressionnant, qui a une rapidité, une agilité aussi impressionnante. Et j'ai l'impression qu'il a une espèce d'équilibre très. Très intéressant, presque au milieu entre justement ce côté junior ou cruiserweight et le côté quand même masse musculaire impressionnante, ce qui lui permet d'être très agile, très rapide, voltigeur, et en même temps de déployer une force physique assez folle. Et il a une certaine intensité aussi, voilà, je connaissais pas, hein, ces premiers matchs que je voyais de cette jeune équipe japonaise. Et dans tous les cas, ouais, ça, je pense que ça démontre bien ce qu'on disait dans la première vidéo, le bienfait de ce système de développement des Young Lions, hein, puisqu'ils reviennent à peine finalement de leur excursion à l'étranger, qui a fini leur cycle de formation. Et donc ouais, c'est sacré promesses d'avenir pour la division tag team. Alors après, les Young Bucks qui remportent encore une fois les ceintures, ben, il faut savoir qu'ils n'ont jamais remporté ces ceintures là lors d'un Wrestle Kingdom, donc c'est peut-être aussi un moyen de leur donner ce nouveau haut fait dans leur carrière, dans leur collection. Et puis je pense que la rivalité est loin d'être terminée entre ces deux équipes, ça c'est clair. Ça nous promet une belle année. Ouais, tout à fait. Donc ensuite, on reste dans les tag teams, mais pas des tag teams de 2, mais tag teams de 3, puisque c'est pour le Never Openweight Tag Team Championship, donc des équipes de 3 contre 3. Donc là, c'était un peu le bazar, hein, parce qu'on avait pas mal d'équipes. Donc on a les champions en titre qui rentrent avec les ceintures, donc du Bullet Club, Ballet Fale et les Guerrillas of Destiny. On a en face une équipe de la faction Chaos, avec Tomohiro Ishii, Toru Yano et Trent Barretta. une équipe du Suzuki Gun avec Zack Sabre Jr., hein, qui a rejoint la faction récemment, Taichi et Takashi Iizuka, et aussi une équipe donc du Taguchi Japan avec Yusuke Taguchi, Togi Makabe et Juice Robinson, et aussi du coup Michael Elgin et War Machine. Donc du coup pas mal d'équipes, donc c'était en fait un gauntlet match. Dans le sens où, ben, du coup, il y a deux équipes qui commencent, une qui est éliminée, puis une autre arrive. Donc, pour vous donner l'ordre, on a au début, ben, du coup, l'équipe du Suzuki Gun avec, donc, Michael Elgin et War Machine, hein, qui sont les trois, les Golgoth, on va dire, hein, du match, hein, parce que les trois ont un physique ultra impressionnant. C'est Michael Elgin et War Machine, malgré leur physique, qui se font éliminer parce que Suzuki Gun, avec leur mentalité de gang et leur distraction, réussissent à tirer meilleure partie des Golgoth. Arrive ensuite l'équipe de Chaos, Chaos qui se débarrasse de Suzuki Gun assez rapidement finalement. Ensuite arrive du coup Taguchi Japan, qui se fait à son tour éliminer. Arrive enfin les champions, le Bullet Club. C'est assez tendu, Trent Barretta en prend plein la poire durant tout ce segment là, vraiment il sera pris des prises de finition, de soumission, il a vraiment chié à tous les niveaux, mais à chaque fois il s'en sort, et c'est lui qui récupère à la fin avec son Dude Buster, 1, 2, 3 récupère les titres, donc victoire effectivement de Chaos avec Trent Barretta qui remporte les ceintures, qui est un beau message, puisqu'il vient de passer de la division junior à la division heavyweight, donc de lui faire gagner la ceinture, celui qui fasse tomber, c'est pas innocent, je pense. En tout cas, voilà, moi j'ai trouvé ça, ce match-là, intéressant, mais j'avoue que j'étais encore très sur la réserve. J'avais pas mal d'attentes sur notamment War Machine, puisque on murmure, hein, que War Machine, là c'était la fin de leur contrat à New Japan, ça va signer en janvier, qu'ils auraient arrivé la WWE, peut-être qu'ils vont se faire signer ou pas, on sait pas. J'attendais pas mal de choses, de voir un peu ce qu'ils donnaient. J'ai pas été, écoute, ébloui. Toi, qui les connais peut-être un peu plus, ils étaient en sous-performance ce soir, ou c'était le format qui n'était pas à leur meilleur, on va dire. Ouais, le format n'était pas ce qu'il faut pour pouvoir faire briller les War Machines, c'est sûr. Ils ont l'habitude de faire des matchs tag team très longs, où ça va très loin dans les prises, et ils font à la fois des dives, des enchaînements de prises, des trucs, alors que c'est des gros bébés, hein. Mais on les voit sauter partout et faire des combats jusqu'au boutiste, hein, où généralement ça s'expose sur des tables et des trucs comme ça. Donc là effectivement, hein, c'est en plus comme ils sont en fin de contrat, effectivement c'était pas le but de les faire briller. On parlera sûrement d'Auto King Catch, hein, qui devrait arriver cette semaine, peut-être la signature des War Machines. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous voulez suivre notre émission, hein, qui parle des news du catch à travers le monde. Michael Elgin était aussi un petit peu en retrait. Tout ça s'est terminé par une pour le premier affrontement, hein, par une prise de soumission de Zack Sabre Jr. Oui. Voilà. Qui est spécialiste des soumissions, et on a d'ailleurs, c'est Sam qui dit sur le chat, Sabre lui fait peur avec son physique super light. Ouais, son physique de cycliste là, hein, puis sa tête d'étudiant en maths, c'est difficile quand même. Mais bon, il a fait une belle prise bien dégueulasse pour faire taper Reroui. Toruyano qui élimine quand même deux équipes à lui tout seul, hein, le rigolo Toruyano, hein, qui sa prise secrète c'est le roll-up et le coup de poing dans les parties. Lui c'est un gros clown, hein. J'avais vu une conférence de presse avant le Wrestle Kingdom où il y avait Chaos qui parlait, et il y avait à un moment donné donc Yano qui prenait le micro, il racontait un peu de la merde, et au premier plan qui était assis derrière et qui regardait, qui essayait de garder l'air sérieux, il y avait Okada. Qui a toujours une gueule vraiment de mec, ok, fait vachement fermé, quoi, Okada, hein, pas trop le mec très émotif, et tu voyais l'effort que ça lui prenait, à un moment il se mordait les lèvres pour pas exploser de rire, quoi. Et je pense qu'il faut un pitre comme Yano pour arriver à perturber Okada comme ça, et dans le ring aussi, voilà, c'est très très comique, hein, ce qui fait qu'on a pu le voir ce soir. C'est assez dommage d'ailleurs de pas comprendre peut-être tout ce qu'il raconte Toruyano, parce qu'à mon avis ça doit être assez poilant. Donc voilà, il est toujours très populaire Toruyano, donc c'est bien de lui faire faire quelques tombées. Bon, le Suzuki Gun, comme d'habitude, ils n'ont pas, pas brillé de manière exceptionnelle. Et donc, victoire de Beretta sur le Bullet Club. Ouais. Voilà, les Chaos qui remportent les ceintures pour un règne assez impressionnant, hein, puisque... Je sais pas si on peut se permettre de spoiler, mais... Oui, parce que je disais, effectivement, on a annoncé, là, dans le petit bandeau qui passe en suivi de YouTube, on va parler aussi de New Year Dash. New Year Dash, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un peu comme, il y a le Raw du lendemain de WrestleMania. Eh bien, après Wrestling Kingdom, il y a un petit show, qui est, filmé, diffusé, New Year Dash, qui a comme intérêt, on va dire, aussi de d'avoir quelques surprises, des choses qui vont un peu teaser, qui vont un peu préparer, des storylines qui vont arriver dans les mois à venir. Et donc, du coup, en ce qui concerne ces ceintures, Tag Team Never Open Weight, il y a eu un rematch donc le lendemain à New Year Dash, donc là en 2 contre 2, enfin 3 contre 3, hein, d'un côté ben, les nouveaux champions, la faction Chaos versus l'équipe du Bullet Club qui avait perdu, et le Bullet Club a repris les ceintures. Voilà, donc du coup, est-ce que avec ce match un peu brouillon, qui est pas foufou, les faire gagner les ceintures à Chaos pour les redonner le lendemain au Bullet Club, est-ce que c'est très très intéressant, est-ce que je sais pas. Ça donne pas beaucoup de valeur aux ceintures, ouais. C'est sûr, mais bah, c'est plutôt une bonne nouvelle de savoir que Beretta va pas rester coincé dans coincé, à ce niveau-là. Voilà, dans les trucs trio, ouais. Parce qu'on a quand même vraiment envie de le voir en solo chez les heavyweight. Il y a vraiment quelque chose à faire avec Beretta. Hein. Je pense qu'il est assez sous-estimé. Ah ouais. Donc voilà, c'est plutôt dans l'absolu, c'est pas si mal. De toute façon, c'est vraiment un trio de ceintures assez anecdotique, hein. On aura beau tourner dans tous les sens, il y a même beaucoup de ceintures à la New Japan. N'hésitez pas à aller regarder notre vidéo, on vous explique un peu tout ça. Donc voilà, c'est ouais. Encore une fois, ça c'est aussi un match pour mettre tout le monde dans la carte. C'est pareil, c'est un peu dommage aussi que Tomohiro Ishii soit pas en match solo au Wrestle Kingdom. Ouais. Ça c'est vraiment bien que l'année prochaine il l'oublie pas, parce que c'est aussi un petit peu gaspiller son talent que de le voir comme ça dans un match par trois. Mais bon, il y avait rien d'horrible dans le match, mais c'est pas quelque chose, c'est assez anecdotique. Si ouais. Vous avez pas le temps, n'hésitez pas à zapper. Hein. D'ailleurs, j'en profite juste pour une petite anecdote dans ce match, parce qu'on se demande toujours aussi par rapport à la carrure des catcheurs. On les voit dans le ring, on voit les différences entre eux. Mais en fait, voilà, je vais parler de ça parce que quand j'étais au Japon ce printemps, on était allé voir avec mon ami un show au New Japan. Et en fait, après le show, on s'est baladé dans la rue pour aller manger et on est tombé devant nous. Il y avait deux catcheurs à New Japan qui, après le show, sortaient pour aller manger. Et il y en a un des deux, c'était Taichi, qui était dans ce match-là, qui est dans l'équipe de Suzuki Gun, celui qui a des fringues un peu noir et or avec un masque et qui est blanc coupé court. Et si vous regardez la vidéo de YouTube, c'est celui qui est sur la droite là de l'image. Ce mec-là, quand tu regardes dans le match, tu te dis ok, il a l'air un peu costaud, mais pas plus. Je l'avais devant moi, à peu près à 2 mètres, je marchais derrière lui, et c'était une masse. C'était un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que je l'avais vu plutôt dans le show, face à d'autres gars, etc. Je disais, ok, ouais, c'est pas un cruiserweight, loin de là, mais c'est pas un mec... ouais. Le voir habillé, il était habillé le mec, hein. Il avait t-shirt, machin, etc. Il marchait devant, il avait des trapèzes, des épaules, un truc de... J'étais là genre, wow, what the fuck. Donc voilà, pour dire que vraiment, la corpulence des catcheurs quand on les voit tous ensemble dans le ring, dites-vous qu'augmenter-la de 20% pour représenter vraiment ce que c'est, parce que c'est, on se rend pas compte, on se rend vraiment pas compte. On en reparlera avec le Killer Elite Squad là, dans le match tag team, parce que c'est assez aussi impressionnant de voir la différence de taille entre les deux. Alors dans la rue, le Killer Elite Squad, ça doit faire peur, hein, quand même. Ah, je pense, ouais. Ah oui. C'est des monstres. C'est des monstres. En parlant pas de monstres, mais plutôt de beauté, hein, parce que ça avait été hypé à mon nez sur une vidéo que j'avais vue, teaser du Wrestle Kingdom, comme le handsome match. Donc entre deux beaux gosses, hein, d'un côté Kota Ibushi et donc face à lui, eh bien Cody Rhodes, donc qui venait ce soir-là non pas avec ses cheveux bruns habituels mais des cheveux blond platine. Je crois que c'est pour un film ou un truc comme ça. Hein, c'est les commentateurs anglais quand il est arrivé disaient que c'était justement pour les besoins d'un tournage. Tournage de quoi? Je ne sais pas. Mais voilà, il venait donc les cheveux blond platine. Il est copain avec l'acteur de Arrow. Ouais, à très compas. Stéphane Hamel, ouais. Il a peut-être un projet de. Il va peut-être jouer dans Arrow, ouais, ça fait. Faire un méchant ou un truc comme ça. D'ailleurs, sur un show, je crois, de la Ring of Honor, ils avaient fait une équipe Bullet Club avec Cody et notamment Stéphane Hamel qui était là. Ouais. C'était assez rigolo. Il arborait déjà cette couleur de cheveux au final battle de la Ring of Honor. D'accord. Très bien. Voilà, voilà. Il était avec un pantalon de toute beauté, toute lumière qui brillait, et Bandy Rose, sa femme qui l'accompagnait, avait un body de la même matière et du même motif, donc ils étaient très très très assortis tous les deux. Et c'est un peu ce qu'on nous a servi pendant le match, hein. Les deux étaient un peu un couple méchant, mesquin, à faire des traquenards, notamment à un moment donné Kota Ibushi qui accidentellement fait un plan de chat sur notamment Bandy Rose. Elle est par terre, elle est blessée. Kota Ibushi, en tant que bon gentleman, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il va voir, il va s'inquiéter de la santé de Brandy Rose. Mais en fait, c'était bien sûr une ruse pour que Cody derrière le tabasse. Et à la fin, il y a un petit passage où Brandy est encore au sol, Cody qui se colle sur le sol aussi. Les deux se regardent amoureusement en rigolant avec un rictus complètement machiavélique. Donc voilà, on est sur du classique, un peu presque, on va dire du Miss Maryse, hein. Finalement, ça peut rappeler un peu ces mimiques-là, mais c'était fait, ça marchait bien. Donc un match assez impressionnant, puisque le talent de Kota Ibushi n'est plus à confirmer. Et on le sait, hein, ce mec est juste complètement dingue. À savoir que c'est un match qui aurait pu se passer à WWE, parce que Kota Ibushi avait participé au Cruiserweight Classic et Cody Rhodes était déjà à l'époque encore à la WWE. Mais non, c'est au Japon qu'ils s'affrontent. Donc franchement, on se posait des questions sur la performance de Cody en termes de pouvoir suivre quelqu'un comme Kota Ibushi. Ben voilà, je pense que il a ce qu'il a, Cody, pour être un bon catcheur et pouvoir élever son niveau ou se faire élever par son adversaire, et c'est un peu ce qu'on a vu. Il y a vraiment eu des très très bons spots, notamment un spot complètement dingue où Cody Rhodes fait un crossroads sur le bord du ring, et donc il fait atterrir la tête de Kota Ibushi par terre sur le sol en partant des abords du ring. C'était vicieux, c'était violent, et donc Kota Ibushi a failli perdre, hein, sur le compte, puisqu'au Japon c'est un compte de 20 et pas un compte de 10. Il est remonté dans le ring in extremis au compte de 19. Voilà, donc il y a eu aussi un top rope Hurricane Rana de Cody qui était assez magnifique. Au final, Ibushi réussit à renverser le crossroad en un long dart, et puis là il enchaîne, il a déroulé Kota Ibushi ses différents finishers, un last ride, un Kamigyo-Genize, un coupé Kamigyo-Genize donc, et un Phoenix Splash, tout ça pour effectivement arriver à gagner 1-2-3. Kota Ibushi remporte ce combat qui était à la base prévu pour le titre Ring of Honor, mais comme on l'a su, hein, Cody Rhodes l'avait perdu, donc du coup c'était juste pour l'honneur. Est-ce que ce match, le seul match de la carte sans titre, sans ceinture en jeu, a fait le job ou pas, d'après toi? Bah, carrément, j'avais émis, hein, évidemment, des doutes sur la performance possible de Cody Rhodes. Bah, il m'a fait complètement mentir, hein, il m'a rassuré, il a fait une performance excellente, son jeu avec Brandy Rhodes là, qui est magnifique, ça fonctionne du feu de Dieu. Effectivement, ça rappelle le Miz dans ses meilleures heures, il transpire le charisme en ce moment, Cody Rhodes, ça c'est vraiment son atout. Derrière, il a fait le catch qu'il fallait. Kota Ibushi, il a été exceptionnel, vraiment un bon match avec du suspense et tout ce qu'il fallait, des coups en traître, et ce crossroads absolument terrifiant là sur le coin du ring. J'ai fait un bond dans mon siège, je me suis dit c'est pas possible, on a vraiment cru qu'il l'avait tué. Ça vraiment tout le scénario du match tourne autour de ça, parce qu'après Kota Ibushi est complètement sonné, on pense qu'il s'en relèvera pas. Il fait ce retour gagnant là, absolument magistral. Voilà, le classique, le méchant contre le gentil, voilà, ça fonctionne quand on a des talents de ce niveau et quand on book un match correctement. Vraiment le job est fait, effectivement. Peut-être pas besoin de ceinture, pas besoin de la ceinture de la Ring of Honor pour ce match-là. De toute façon, si la ceinture avait été en jeu, on aurait su que Ibushi aurait pas gagné. C'est ça, c'est limite plus intéressant, plus incertain au niveau du résultat, qui n'est pas eu la ceinture, je pense. Hein. Ouais. Non, donc là, franchement, les deux ont assuré. Il a bien encore réussi son coup, Cody Rhodes. C'est sûr qu'il n'a pas fait les matchs les plus phénoménaux de l'année, mais en tout cas, il gère parfaitement sa carrière. Kota Ibushi, il est en route tout doucement, hein, je pense, pour aller monter dans le main event. Hein, et puis, Oui, c'est ce que disaient un peu les commentateurs anglais, hein, et qui faisaient écho à ce qu'on disait sur Kota Ibushi quand on a parlé de la carte de Wrestle Kingdom 12. C'est Kota Ibushi, c'est un mec un peu éparpillé, il fait du cash, et après il arrête, il fait de la télé, il fait des trucs, bref, il n'est pas concentré. Et donc les commentateurs anglais disaient voilà, ce qui est important, c'est pas la vraie question, c'est pas sur les talents et les capacités physiques, athlétiques de Kota Ibushi, elles sont certaines, c'est c'est plus par rapport à son état d'esprit. Et je pense qu'effectivement, là, ça nous tease le fait qu'il soit concentré maintenant, qu'il ait décidé peut-être de se donner un peu plus de son temps, de son énergie sur justement le catch à New Japan. Et donc peut-être il y a une place, hein, il a une place clairement à prendre. Ça, c'est clair. Et ça a été un peu confirmé aussi, du coup, le lendemain, lors du New Year Dash, puisqu'il était là aussi, Kota Ibushi, et il était l'invité spécial d'une équipe, d'un gros match par équipe. Il était avec donc Taguchi Japan. Voilà, donc du coup, il était. Est-ce qu'il va rejoindre Taguchi Japan? On ne sait pas. Mais dans tous les cas, voilà, il était présent et il a eu des beaux moments, des bons spots aussi. Il a bien brillé au lendemain. Donc, on espère qu'il va faire un peu son. D'une prise de bec entre Cody Rhodes et Kenny Omega. Hein, ouais. Parce que à la fin du match, là, Cody Rhodes a essayé de s'acharner encore sur Kota Ibushi, d'avoir sa vengeance à coup de chaise, et Kenny Omega, on sait que Kenny Omega c'est le meilleur ami de Kota Ibushi à la ville, est venu intervenir. Il s'est passé d'autres trucs après, on en parlera après. Ouais, parce que Kota Ibushi et Omega avaient fait leur... De rivalité qui risque de nous faire tenir en haine, que ce soit à la ROH ou à la New Japan. Ouais, d'ailleurs, à un moment donné dans le match, Cody lui dit « Oui, Kenny t'aime moins que je t'aime » ou un truc comme ça. Ah, il dit ça à Kota Ibushi, donc voilà, c'est pour donner possible, un peu de... Sachant que Kota Ibushi et Kenny Omega ont fait ensemble une fédération de catch, hein, la DDT Wrestling, voilà, où ils catchent des catcheurs invisibles, des poupées gonflables, bref, un truc un peu dingo, le genre de truc à regarder en fin de soirée arrosée. Mais voilà, exactement. Donc ouais. En tout cas, voilà, pour revenir sur Cody Rhodes, effectivement, comme dit Diaki, il s'est réinventé en comptant la WWE. Je pense qu'aussi, il a repris un peu ce personnage qu'il avait de dashing Cody Rhodes, et un peu aussi de à l'époque où il avait ce masque brisé, hein, après sa blessure, de heel un peu fou, un peu à la Joker quelquefois, un peu malsain, arrogant, et ça y est, je pense qu'il a tellement été soulagé de ne plus traîner ce gimmick de Stardust qu'on lui a imposé à la WWE, que de toute façon c'était horrible, hein, quand on y repense. Ouais. Surtout quand tu vois le potentiel du mec là. Ouais, il est l'antithèse là à l'heure actuelle de son père, hein. C'est l'American Nightmare au lieu de l'American Dream, hein. C'était bon, ça. Il est en costard, pété de thunes. C'était très très bon. Tout l'inverse du hardworking hero qui était son papa. Et ça fonctionne parfaitement bien, hein. Je crois que c'est ce que les gens ont envie de voir quand ils vont voir un match de catch, hein, un méchant comme ça, flamboyant qu'a sa femme à ses côtés, sa femme qui est à côté, qui est juste sublime aussi. Encore une fois, on retrouve, on peut dire, oui, ça nous rappelle vachement Miz et Maryse, mais oui, mais ça existe depuis très longtemps, hein, cette histoire de père. Il y avait Macho Man, Randy Savage avant aussi, avec, je sais comment ça s'appelle. Mais voilà, il y a toujours eu souvent... La belle Elisabeth. Elisabeth, hein, il y a toujours... Ric Flair, hein, tout simplement. Ouais. Hein, il y a aussi beaucoup d'influence du Ric Flair, des Four Horsemen, là, hein, qui était flambeur, voilà, les plus beaux costumes, les bagues, les cigares. C'est ce qu'on aime quand on regarde. C'est ça. C'est classique, et quand c'est bien fait, ça marche. Hein, tout simplement. On en parlait tout à l'heure, ceux qui, si tu croises dans la rue, d'un coup il fait nuit. Donc c'était pour les Tag Team Championship, hein, ceinture par équipe. Donc on avait d'un côté ceux qui défendaient le titre, donc le Killer Elite Squad, donc composé de Lance Archer et de Davey Boy Smith Jr. Et d'autre côté, Evil et Sanada, de Los Ingobernables des Rapones, ceux qui ont gagné effectivement le tournoi tag team récemment et qui ont eu l'opportunité pour ce match-là. En gros, le match à dynamique, c'est que le Killer Elite Squad a passé trois quarts du match à défoncer. Los Ingobernables. C'était juste fou. Il y avait des chocs slams. À un moment donné, c'était David Abbott Smith qui a fait un choc slam sur Evil, sur un gros tas de Young Lions, hein, qui était à l'extérieur. Ils les ont démembrés. Quand effectivement Sanada fait un hot tag à Evil, on se dit ok, ils vont reprendre un peu le contrôle du match. Que dalle, ça continue, c'est un gros passage à tabac. Le Killer Elite Squad a passé son temps à être imbuvable et insupportable pour leurs adversaires, pour le public, pour l'arbitre, pour les caméramans, pour les Young Lions qui étaient au bordering, pour tout le monde. C'était le le heal 101 en puissance. Mais au final, eh bien, quand même, les ingouvernables du Japon ont fait un Magic Killer suivi d'un Moonsault, Moonsault Press, hein, pour la victoire. Donc, du coup, voilà, ils ont transformé l'essai, ils ont gagné le tournoi Tag Team Junior. Ils ont aussi, ben, du coup, maintenant remporté des titres. Donc, Evil et Sanada de Los Ingobernables, nouveaux champions Tag Team de la New Japan, et c'est là qu'on se dit, ah bah peut-être qu'effectivement notre rêve de voir Los Ingobernables avec des ceintures partout à la fin de la soirée commence à prendre forme. Mais le match en lui-même, j'avoue, j'ai pas été autant transporté que j'aurais pensé. J'ai l'impression que Sanada et Evil étaient un peu sur la réserve. Est-ce que c'était pas trop un beatdown subi pendant les trois quarts du match, hein, qui a fait que la dynamique était compliquée. Ouais, c'est assez marrant de voir Sanada et Evil un peu jouer les faces dans l'histoire, les faces en péril. Mais je suis très content, moi, d'avoir vu une belle prestation comme ça du Killer Elite Squad, qui a vraiment été monstrueux. Je pense que le but, c'est d'apporter une victoire à Sanada et Evil qui soit vraiment impressionnante, d'avoir battu deux monstres comme le Killer Elite Squad. Voilà, c'est vraiment comme deux gars qui battent un géant, quoi, deux David qui défonce Goliath. Maintenant, c'est sûr que ça n'a pas été le match le plus impressionnant de la soirée, peut-être pas le plus percutant. Maintenant, je trouve ça cohérent, mais ça a vraiment été un déroulé du Killer Elite Squad. Plus que quoi que ce soit des Evil et Sanada, bon, qui auront l'occasion de briller dans l'année. Là, je pense que c'est le dernier tour de piste du Killer Elite Squad, un peu dans le main event. C'est intéressant de voir comme ça des mecs comme Killer Elite Squad qui n'ont pas fait une année exceptionnelle au niveau des matchs. Faire une grosse performance comme ça au Wrestle Kingdom, ça se voit qu'ils sont en réserve un peu le reste de l'année et qui savent sortir le grand jeu quand c'est le soir du gros événement. Ils ressortent assez fort du coup malgré la défaite. Derrière, Sanada et Evil, ils vont prouver ce qu'ils peuvent faire sur un règne de champion tag team, hein, ça va être leur premier gros règne de champion. Ouais. Voilà, ils démarrent sur une victoire qui a été difficile à attraper. C'est intéressant pour la construction des personnages en soi, puisqu'il y a quand même, je pense, de gros projets quand même derrière, que ce soit Sanada ou Evil. Oui, et ben on en parlera un peu plus tard quand on débriefera certains angles du New Year Dash, mais particulièrement Sanada, il y a des trucs. Pas mal qui se profile pour lui. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a un très bon look et qui est super athlétique, même si là il a pas trop montré, hein. Moi j'avais vu l'année dernière ses matchs et quelques autres matchs, j'aime bien le look du mec. Non, il a une présence aussi, donc bref, voilà, je trouve que Sanada, il y a de très bonnes choses à faire pour lui. On va voir leur règne par équipe, comment ça se passe, mais on en reparlera donc du coup un peu plus tard pour la suite de nos chers Ingobernables des Rapon. On passe à un autre match en simple, donc pour le Never Openweight Championship, donc entre Minoru Suzuki, le chef des Suzuki Gun, donc effectivement quelqu'un là juste complètement impressionnant par sa mimique, par son charisme, versus Hirooki Goto. Donc c'est un match pour le titre, mais c'est aussi un match cheveux contre cheveux. Alors déjà, premier truc à savoir, c'est que au Japon, les matchs cheveux contre cheveux ont un tout autre sens qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un peu genre pour te foutre la honte, pour t'humilier. Au Japon, ça rappelle des choses plus profondes, hein. On reste sur cette notion d'humiliation, mais de façon plus profonde, qui ça corrobore un peu avec une notion d'honneur aussi, d'honneur des samouraïs, etc., où du coup, à chaque fois qu'ils vont se regarder dans la glace, ils vont se rappeler qu'ils n'ont plus leurs cheveux, que ça va être une humiliation parce qu'ils ont perdu, ils n'ont pas été assez bons. Donc il y a une vraie emphase, hein, qui est mise dans ce match entre Goto et Suzuki là-dessus. Donc c'est un peu deux boss, hein, un qui est le chef de Suzuki Gun, Hirooki Goto qui est un peu le patriarche, on peut dire, de Chaos, hein, d'une quelque manière. Donc voilà, on a ces deux barons qui s'affrontent dans un match qui était juste vicieux, hein, qui était pas sans disqualification, mais ça a été assez violent, surtout avec Suzuki qui prend des rires déments durant le match, puis assène des atemi complètement tonitruants. Et à un moment donné, s'il fallait vous démontrer la violence que peut avoir Suzuki, le drop kick qu'il met à un moment donné à Goto, il lui met un drop kick, on a vu le replay. les deux pieds qui étaient au niveau de, je sais pas, de la prémolaire droite de Goto et la tête de Goto qui se décale sur 30 cm, quoi. C'est juste incroyable. Ça se demandait comment il a pu remonter derrière, hein. D'ailleurs, on a commencé à voir à la fin Goto, sa tête qui commençait, son visage commençait à enfler, parce qu'il y a Suzuki qui lui a mis une série de claques aussi trop nitruantes. Donc voilà, sur la fin du match, Suzuki est plutôt pas mal parti, même si c'est très contesté. Il essaie de lui mettre son Gutch Pile Driver à plusieurs opportunités, hein, donc un peu la même prise que quasiment que bon, la même prise en main que Cesaro, mais il finit en Pile Driver. Donc il met Goto en prise de soumission, puis interrompt sa prise de soumission pour faire son Gutch Pile Driver à deux fois, mais ça passe pas. Et donc là, Goto saisit l'occasion à la fin, donc avec un super Ushigoroshi à de la troisième corde, hein, donc un avalanche Ushigoroshi qui était assez impressionnant. Puis après, donc sa prise de finition, JTR inversé et JTR. Hiroki Goto, nouveau champion Never Open Weight. Et donc, du coup, forcément, on avait le Suzuki Gun, hein, les mignons, les larbins de Suzuki qui étaient venus pendant le match essayer d'intervenir, mais ils se sont fait arrêter, donc il n'y a pas eu d'intervention réellement. Mais à la fin, le Suzuki Gun essaie d'exfiltrer leur chef pour pas qu'il ait l'humiliation de se raser la tête. Suzuki commence à partir avec eux, on se dit, ah, quel gros enfoiré celui-là, il a aucun honneur. Mais non, il va chercher sa chaise, il va chercher une chaise qu'il veut, pas celle qu'on lui donne, il revient dans le ring en disant à ses mecs, non, vous restez, je m'en occupe. Il revient dans le ring, s'assoit, prend un tondeuse et commence à se raser sa tignasse, surtout à l'arrière. Donc voilà, grande classe Minoru Suzuki, qui me paraît comme étant un espèce de chef yakuza. Qui peut être complètement fou, complètement vicieux, complètement sans cœur, mais qui a quand même une espèce d'honneur, genre ok, je t'ai donné ma parole, il n'y aura pas d'intervention de mes mecs, et si je perds, eh ben, je me rase les cheveux, je le fais. Grande classe, j'ai trouvé que moi vraiment, c'est ce qui ressort de ce match, c'est pas tellement sur ce qu'il y a eu dans le ring, c'est vraiment pour le narratif de qui est Minoru Suzuki, et j'étais pas emballé hein, par ce mec. À la base, tu vois son physique, c'est un peu un vieux papy, un peu édenté, qui a une coiffure de cheveux chelou, tu te dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ce machin? Bah en fait, non, okay, c'est bon, il m'a convaincu en ce match-là, même si c'était pas un match exceptionnel, c'était un match qui était intense, qui racontait un truc, et qui m'a permis en un seul match de dépeindre un personnage qui était, je trouve, presque attachant malgré son côté complètement vicieux, comme on le verra le lendemain. Encore un heel parfait, hein, effectivement. Hein, c'est un mi-chemin, moi je dis toujours, entre Ric Flair et Brock Lesnar. Hein, c'est-à-dire que c'est un vétéran, c'est une légende du ring, un précurseur du mix martial art. Donc il a à la fois le côté legit, hein, du lutteur, puisqu'il a fait des matchs de vrai mix martial art, hein, qu'il a gagné. Hein, il a une bonne. Un track record, ouais. Hein, dans le milieu. Derrière tout ça, une grosse carrière dans le catch, où il a été notamment un très long champion de la Noah. Là, il est revenu à la New Japan récemment avec tout son gang Suzuki Gun. Alors, ses performances, il y a eu des très gros matchs contre Okada l'année dernière. Deux matchs en particulier. Après, pour le reste, c'était un peu en demi-teinte. Il a fait quelques matchs parasités par ses amis du Suzuki Gun, ouais. qui étaient assez décevants. Mais là, ce soir, c'était le Suzuki, Minoru Suzuki des grands soirs. Goto derrière, parfait dans le personnage du catcher brave qui se fait torturer pendant tout le match, hein, parce qu'il est directement en début de match, il se prend une prise du sommeil là sur le. Porté, oui. Carrément sur le coin du ring, hein, donc Minoru Suzuki est assis, il le soulève, il l'étrangle comme s'il était en train de le pendre. Ouais. On voit ses pieds, et son pied sont décollés du sol. Voilà, et Goto, il reviendra que à la fin du match, hein, pendant tout le reste du temps, il va se faire torturer. Effectivement, ouais. il aura une tête qui aura doublé de volume à la fin du match. Là, il se prend une cinquantaine de claques dans la gueule à un moment donné, après le dropkick décapitant. De la mort. Voilà, on est obligé d'être derrière Goto et de le voir revenir, parce que sinon, on a peur qu'il meure dans le ring. Suzuki qui termine le match en fureur là, qui va taper encore une fois sur les Young Lions et qui revient avec sa chaise pour se tondre lui-même, un grand moment, tout ça c'est parfait, on était vraiment sur un truc excellemment exécuté. Je suis très content de voir Suzuki sortir un grand match, parce que là sur un an j'étais quand même sur ma faim à me dire quand est-ce qu'il va sortir le grand jeu, parce qu'on sait qu'il est capable effectivement d'aller très vite dans le ring, faire ses enchaînements de claques là, super stiff, avec ses prises de soumission. Goto, c'est un mec qui assure le spectacle aussi quand il faut. Donc il y avait vraiment un gros potentiel et je suis content qu'il l'ait réalisé. C'est vraiment un sans faute sur ce match. Evil aussi avait la gueule de travers hein, à la fin du match. Ouais, il avait un œil qui commençait à faire un neuf. Hein. Ouais. Ils ont souffert hein, les catchers sur ces deux matchs-là. Ouais. Mais c'était de la New Japan pur jus. Et voilà, comme tu disais, avec ce match-là, on comprend pourquoi Suzuki c'est une légende. Tu as vu l'arrivée de Suzuki quand même dans le Tokyo Dome, c'est un truc de malade hein, avec sa musique très, absolument incroyable, très douce. Ouais, j'étais surpris, sa musique est assez douce, c'est presque une chanson de J-pop ou de générique de dessin animé, un peu douce avec une voix féminine, etc. Et à mon nez, ça s'emballe un petit peu dans la musique, il y a une espèce de catchphrase qui est lancée, etc. Et là, t'avais 20 000 personnes qui la connaissaient, qu'on buguait les trucs en même temps, tu fais waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça s'en sort en karaoké géant là. J'imaginais pas Minoru Suzuki, ciel de Suzuki Gun, organiser du karaoké à 40 000 personnes quoi. Mais ouais, il le fait. Et si tu regardes, à chaque fois que les gens lancent le refrain, c'est le moment où ils passent sous la corde. Ah. Il fait applaudir les gens, il regarde comme des cons, et dès que les gens chantent, il passe sous la corde, style j'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour ça. Il est vraiment, non, c'est vraiment dans le monde du catch, je crois que c'est un des plus grosses légendes hein, finalement sur ces dernières années. Hein, même si nous on le découvre que maintenant, on voit que les Japonais ils en sont complètement accros. Et même si c'est la pire des pourritures, il a quand même une pop phénoménale quand il arrive dans le ring, et puis ça fait plaisir de voir ça quand tu regardes du catch quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et donc aussi bah, dans ce match hein, que nous fait remarquer Maxence, les Young Lions en ont pris plein d'appoir aussi, hein, forcément. Et ça fait plaisir aussi. Ça fait partie du show. Ok. Exactement. Très bien. Prochain match pour toujours une ceinture en simple, mais c'est un match un Fatal 4-Way. Hein. Donc puisqu'on a, c'est pour le Junior Title, donc est détenu par le Villain Marty Scurll du Bullet Club, qui affronte donc trois anciens champions hein, qui ont aussi détenu cette ceinture, donc Will Ospreay, Kushida et Takahashi, donc Los Ingo Bernables et Rapon. Donc un match là aussi que certains pourraient qualifier de spot fest, hein, donc on aime ou on n'aime pas. On a quatre lutteurs complètement aériens, fous, ultra rapides, avec des prises impressionnantes, qui ont eu des rivalités, hein, puisqu'on avait beaucoup, une grosse rivalité Marty Scurll contre Will Ospreay, hein. D'ailleurs Scurll qui avait fait une promo que j'avais adoré, qui disait il y a trois choses certaines dans la vie, la première c'est la mort, la deuxième c'est les impôts, les taxes, et la troisième c'est que Scurll bat Ospreay. Donc ça c'était très bien trouvé, et de l'autre côté du coup Kushida et Takahashi qui se sont très longtemps affrontés pour cette même ceinture. Donc là les quatre ensemble, on se disait que ça allait être ben, une bombe qui allait exploser, un peu comme le gimmick Ticking Time Bomb. Eh ben, on n'a pas été déçus. Si vous aimiez le catch ultra rapide, ultra impressionnant, très cruiserweight, mais cruiserweight sous Red Bull, j'ai envie de dire, eh ben, c'était ce match-là qu'il fallait regarder. Hein. Il y avait des séquences juste, ça aurait aucun sens de vous les raconter, tellement que ça serait pas rendre justice aux enchaînements, où à mon avis, les quatre essaient de se faire, il y en a un qui fait une balayette, l'autre qui fait un salto, l'autre qui essaie de le reprendre en RKO, mais il évite en changeant sa direction en plein vol. Enfin, c'est juste de la folie. On se demande, en voyant le match, on se demande, mais parce qu'on se dit quand même qu'à WWE, Cruiserweight, il y a du talent, il y a des gens qui pourraient faire des choses, peut-être pas comme ça, hein. Will Ospreay, des gens disent que c'est un des meilleurs Cruiserweight au monde, Kushida pareil, c'est un worker sensationnel, mais il y a quand même du talent à WWE, donc je pense qu'on voit une différence de style, où là on arrive à un style peut-être qui est trop rapide peut-être pour la culture WWE, où là c'est juste ok, ça serait impossible quasiment à commenter, impossible à décomposer qu'est-ce qui se passe, c'est juste en fait une espèce, c'est comme quand tu vas dans une voiture je pense et que tu presses l'accélérateur à donf, tu captes plus trop ce qui se passe, mais t'es dedans, t'es dans une espèce de ride complètement fou, et c'était un peu ça ce match sur différents moments, avec bien sûr des variations, hein, puisque Marty Scurll qui jouait vraiment le vrai heel hein, du match, et le champion en plus, est sorti du ring plusieurs fois, re-rentré pour briser le compte, donc il est un peu temporisé, il a fait un truc, moi j'adorais, hein, moi c'était un peu ma confirmation sur ce match, hein, c'était Marty Scurll, où Marty Scurll a un truc où il annonce parfois le nom de ses prises avant de les faire. Genre il dit super kick et il fait son super kick, et à un moment il est face à Kushida et il gueule super kick, et là donc du coup bah Kushida, et qu'est-ce qu'il fait, il se protège la tête comme ça, et tu sais il fait just kidding, je déconne, et là il lui met un gros kick en plein milieu des genoux, bon juste drôle mais super vicieux, et surtout ce moment où il chope les doigts à deux mains, il chope les doigts de ses adversaires, il regarde sa tête folle, puis clac, il les écarte en faisant un bruit, je pense en claquant des doigts, un truc comme ça. Mais regardez ce moment-là, vous avez, je pense, forcément un frisson qui vous parcourt parce que vous vous demandez pendant quelques secondes est-ce qu'il a pas pété les doigts du mec pour de vrai, parce que ça paraît tellement mais sauvage que on se demande comment c'est possible. Il y a des séries aussi où Will Ospreay a donné du très gros show aussi hein, tout du long du match. De toute façon, tout le monde, c'était juste la folie. Takahashi a fait son célèbre finisher, sa sunset flip bomb à l'extérieur, hein, donc quand l'adversaire est à l'extérieur des cordes, mais sur le bord du ring. Takahashi court, fait son sunset bomb en le chopant, en l'explosant donc en dehors du ring. Il fait ça sur Kushida, il fait ça sur Marty Scurll. Marty Scurll d'ailleurs qui se réceptionne, je crois, un peu. Sur les barrières d'insécurité en métal, donc à un moment donné j'ai eu vachement peur pour son coup hein, parce que ça semblait très très très violent. Kushida fera cette même prise à Takahashi un peu plus tard, bien sûr hein, l'arroseur arrosé. Le public devient complètement fou hein, à un moment donné quand Ospreay et Scurll sur la fin du match commencent à se faire un échange assez dingue, avec notamment un imploding 450 qui était sur Takahashi pour un compte de 2. Et donc à la fin Takahashi fait son time bomb, mais l'arbitre commence à compter. On pense là que Takahashi ticking time bomb va gagner. On se dit ah, Los Ingoberg Liveless, ils vont récupérer encore la ceinture. Et non, il y a Marty Scurll forcément qui chope l'arbitre et l'emmène en dehors du ring, un coup classique. Et Scurll là défonce la tête de Takahashi en prenant son parapluie hein. Il lui éclate. Je crois qu'il était ouvert après Takahashi, mais vraiment pareil, on me dit ouah, la violence du mec quoi, Scurll vraiment British strong style en plein. Et donc suite à ça, Ospreay fait son host cutter sur Scurll, il me semble, ou sur Takahashi, je sais plus, mais bref, fait son host cutter, et donc Will Ospreay redevient champion junior de la New Japan Pro Wrestling. Alors toi, ce côté spotfest ultra vif, tu aimes ou tu aimes pas? Ouais, alors on peut considérer que c'est un spot fest si on vit en 1982, mais on est largement au-dessus de ça. Il y a une histoire qui est racontée ouais. Quand même avec les plans machiavéliques de Scurll pour avoir la victoire. Hein. Il y a Takahashi qui est attaché à une barrière pendant un long moment où il peut pas performer. Ça va très vite. Alors c'est sûr que ça va peut-être un peu vite pour le spectateur WWE. Mais honnêtement, est-ce qu'on n'a pas vraiment envie de voir ça plutôt que des headlocks et du mat wrestling quand on regarde 205 Live? Pour moi, il n'y a pas photo, hein. C'est comme ça qu'il faut booker les cruisers, il faut que ça aille à 100 à l'heure. La TNA faisait ça à une époque avec la X Division, c'est ce qui a fait, oui. Ce qui a fait les armes de AJ Styles et de Samoa Joe, Christopher Daniels à l'époque. Donc c'est quelque chose qui a mis la TNA sur la carte, c'est quelque chose que les gens avaient envie de voir quand ils regardaient la TNA. Quelque part pour moi, c'est un peu l'avenir du catch. Que ce soit au niveau cruiserweight ou si on arrive à avoir des catcheurs qui sont un peu plus heavyweight qui arrivent à aller. Mais au moins la différence si t'as des cruiserweight, c'est de les voir aller aussi vite et enchaîner aussi rapidement. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de regarder des cruisers faire du catch qui ressemble à ce que font les heavyweight. Donc pour moi, c'est tout à fait c'est comme ça, qu'il faut booker un Fatal 4-Way où ça va en son à l'heure. C'était y a pas eu de botch, tout est maîtrisé. Bon, ouais. On avait dit que c'était les meilleurs du monde. Hein. Oui, c'est ça. Là, pour le coup, le match, pareil, moi, j'ai adoré. Et puis, on le voit là dans le chat. On a notamment, du coup, on a Sam qui dit le Fatal 4-Way, c'était le match de la soirée. Maxence qui dit le meilleur match pour moi. Diaki qui dit ouais, le match était incroyable. Voilà. Ouais. Maxence qui est totalement d'accord avec toi. Nisco aussi, match de la soirée pour moi. Bref, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que bien sûr, on peut avoir des préférences. On peut se dire, moi, je préfère voir du Goldberg Lesnar ou du AJ Stasina. Ou du Owens contre Zayn. On peut avoir des préférences, mais le style, ce style-là, junior ou cruiserweight ou spotfest ou juste à 300 à l'heure, comme je le disais, vraiment à 300 à l'heure, on aime ou n'aime pas, mais il a un intérêt, il peut plaire, il apporte des choses différentes que vont pas avoir deux Golgot dans un ring, qu'ils vont pas avoir deux techniciens de soumission. C'est autre chose. Tout comme le comedy wrestling, hein, on avait ce premier match entre les Roppongi Friké et les Young Bucks. On aime ou on n'aime pas, mais ça apporte quelque chose qui est différent du reste. Donc du coup, ce qui est intéressant dans une carte d'un show aussi gros, c'est de voir que bah, tu vas mettre à un moment donné un peu de l'accent, montrer que tu vas donner un style de catch différent de la soirée. Donc après, tu vas forcément voir tes faveurs et tes préférences. Mais il y a des gens qui préfèrent ce type de cash-là. Donc c'est intéressant d'en donner aussi un truc qui rend bien. Et ça remet pas en question le reste, en fait. J'ai l'impression dans ce débat spot-fest versus mat wrestling ou technical wrestling que c'est forcément l'un ou l'autre et que si on aime l'un, on peut pas aimer l'autre. Ben non. Après des spot-fest, c'est vrai que ça existe. J'ai déjà vu des matchs comme circuit indie où oui. c'est y a pas d'histoire, les mecs enchaînent, il y a pas de saving, rien du tout. La pro guérilla est un bon exemple de ça. C'est un peu spécialiste. Hein. C'est une fédération de gros spotfest. Hein, mais là oui, il y a un enjeu, il y a un truc. Encore une fois, rien que le booking de ce match où il y a les trois anciens champions qui ont droit à un rematch. Donc du coup, on fait le truc en même temps et que il y a deux duos finalement. Dans le match, qui vont régler leur compte, mais en même temps interagir avec les autres. C'est un peu intéressant. À un moment donné, c'est Ospreay qui s'allie avec Marty Scurll dans le match pour défoncer Takahashi et Kushida, alors qu'ils étaient ennemis. Donc, du coup, il y a une évolution un peu psychologique. Certes, l'accent n'est pas mis sur la psychologie du match, c'est pas ça qu'on nous met en avant. Mais il y a quand même des éléments, et tu fais bon, ok, c'est plaisant. Et puis, quand c'est des mecs aussi talentueux que ça, j'ai pas envie de cracher dans la soupe, moi. C'est ça. Et puis il y a même Skrull qui utilise sa poudre de perlimpinpin pour jeter dans les yeux de Kushida à un moment donné. Il y a un peu tous les éléments du catch classique aussi qui sont là, sauf que ça va à 100 à l'heure. Et du coup, tu peux pas rester sur ton portable à envoyer des tweets ou faire autre chose parce que sinon tu loupes l'action. Donc, c'est ça. Et ça pour le coup, Le monde va à 100 à l'heure maintenant et le catch doit aller à 100 à l'heure aussi. C'est marrant ce que tu dis. Il peut pas envoyer des tweets, etc. Si tu loupes, tu t'enlèves les yeux, tu vas louper l'action. C'est exactement l'un des slogans marketing de tout. Five. Don't blink. Alors que putain, t'as le temps de. c'est même pire que ça. C'est ne clignez pas des yeux, sinon vous allez louper ce qui va arriver. Ouais, dissert hein, pendant un match de Two or Five Live. Hein, oh, ça dépend lesquels. Il y en a certains qui donnent les bons trucs. Mais qui s'inspirent un petit peu de ça pour nous. Parce qu'ils ont des mecs qui ont le talent quand même. Ils sont pas aussi bons que ce qu'on a là. Mais il y a du potentiel et on peut avoir des trucs quand même plus spectaculaires. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est juste là pour dire que ce match était excellent et que ce sera sûrement un des matchs de l'année. Pour beaucoup de nos suiveurs, là, apparemment, match de la soirée. Hein, donc, chapeau à ces quatre. Et d'ailleurs, Marty Scurll, pardon, qui arrivait avec donc son chapeau et son masque hein, de vilaine. Belle entrée, là. Et avec aussi des ailes de corbeau. Donc, il avait un peu l'impression de dire, tiens, est-ce que ça va tenir ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, ça faisait une belle entrée aussi. Quand il arrivait, c'était assez classe, quoi. Donc, Tout le monde avait des costumes dégueulasses, sauf lui, hein. Ouais. Si je puis me permettre, ça c'était le gros point noir de la soirée. La plupart des costumes étaient vraiment dégueu. Ouais, on en parlera notamment dans quelques matchs. Le prochain match, c'est pour la ceinture, bien du coup, intercontinentale, détenue par l'As de New Japan, un talent comme on en voit tous les 1000 ans. Donc, bien sûr, c'est Hiroshi Tanahashi contre Switchblade de Jay White, donc cette espèce de tueur en série mystérieux qui revient au pied du soleil levant en faisant des croix dans ses bouquins avec ses couteaux et qui vient, en gros, au niveau de l'histoire, défier Tanahashi pour se confronter à, soi-disant, justement, l'As de la fédération. Et c'est un peu ce que ce jeune Jay White dira à plusieurs moments du match hein, quand il domine, c'est en demandant à l'arbitre, c'est ça votre numéro 1, votre as, c'est vraiment ça? Alors que Tanahashi, on en parlait la dernière fois qu'on a fait la carte, eh bien est super blessé hein, ça fait des mois qu'il catch avec un genou en vrac. Là il a eu un problème au niveau de son biceps, donc Tanahashi qui est en très mauvaise posture, et c'est ce qu'on verra sur la bonne partie du début du match où Jay White va aller chirurgicalement taper là où ça fait mal. Mais Tanahashi, au bout d'un moment, commence à renverser la situation, puisque c'est lui qui commence à travailler sur la jambe de Jay White, et donc à commencer à créer une blessure hein, pour un peu rééquilibrer la balance. Donc c'est un rythme très lent par rapport au match au tout d'avant hein, parce qu'on a deux personnes qui sont un peu blessées, deux gros gabarits, même s'ils sont capables, notamment Tanahashi, d'être très athlétique comme il nous montrera plusieurs fois avec notamment un high fly flow hein, qui est son flying cross body donc il fait à l'extérieur donc il le fait malgré le fait qu'il soit blessé. Ça c'est assez incroyable. Donc voilà, du match on en parlait hein, Matt Wrestling hein, on va être au sol, on va être en prise, etc. Jay White essaie de garder la cadence, essaie de placer donc plusieurs coups, notamment son Kiwi Crusher, hein, puisqu'il est néo-zélandais, donc forcément Kiwi Crusher, et bien sûr son Blade Runner, sa prise de finition, mais un High Five Flow sur le dos de Jay White aplatira donc Switchblade, et Tanahashi qui refera un High Five Flow sur le ventre cette fois-ci pour le tomber. Hiroshi Tanahashi reste champion intercontinental, et même si pour la première fois il n'est pas dans les deux derniers matchs de la carte, eh bien il gagne. Alors que l'année dernière, il avait même configuration, enfin il essayait de prendre le titre intercontinental à Naito, mais il avait perdu. Cette fois, Tanahashi ressort victorieux malgré ses nombreuses blessures. Alors du coup, la vraie question, c'est pas est-ce que Tanahashi est bon ou pas, on le sait, et puis il est blessé, ça compte pas. C'est est-ce que Jay White Switchblade a convaincu pendant ce match? Il y a encore un peu de boulot, je pense. Il était quand même convaincant. Le match n'était pas mauvais. On était un peu sur une configuration classique de match de Tanahashi, qui a là pour le coup un adversaire plus jeune qui vient l'attaquer là où il a des faiblesses. On va travailler la jambe, hein, comme tu l'as bien expliqué. Ouais. C'était, il y avait rien de désastreux. C'était même plutôt bon, hein, c'était même plutôt un très bon match. Maintenant, je pense que c'était peut-être un peu tôt pour mettre Jay White aussi haut dans la carte. Il y a rien qui m'a vraiment marqué dans le match, surtout du côté de Jay White. Donc voilà, bah, on va voir la suite de sa carrière. Apparemment, effectivement, pareil pour lui, ils ont aussi de gros projets. Il va falloir qu'il assure derrière. Il y a peut-être, ouais. Il y a peut-être des choses voilà, plus impressionnantes à faire que ce qu'il a fait ce soir. Mais c'est sûr qu'il était plutôt dans la position du jeune qui vient défier l'ancien, hein, du jeune loup, mais qui vient se prendre un petit peu la première leçon de son arrivée à nouveau dans le roster et dans les heavyweight. Donc voilà, c'est tout le début de sa carrière pour Jay White. C'est déjà une gros challenge, ouais, ce soir. Et c'est pas honteux, donc il y a c'est pas honteux. Plutôt un bon match. Hein. Il a que 25 ans de toute manière, ouais. Donc il est ultra jeune. Il a encore plein de choses à progresser. C'est clair que si on regarde d'un point de vue personnage gimmick, voilà, Switchblade c'est un peu genre une espèce de psychopathe dans sa cave qui tue des chats pour s'amuser. On a l'impression. Quand on regarde Jay White, son visage, bah, il est un peu plus poupon, un peu lisse, hein, donc c'est vrai qu'il n'a pas le côté vicieux. On peut pas lui demander, ouais, d'avoir une gueule à Suzuki alors qu'il a que 25 ans, on est d'accord. Hein. Donc il a du boulot à faire là-dessus en termes de présence, il a aussi du boulot à faire dans le ring. Après, encore une fois, c'était un peu... je trouve que c'était pas facile, parce que à mon sens, c'était un service, hein, en même temps un gros piège à loup que lui filer ce match contre Tanahashi à Wrestle Kingdom avec un Tanahashi blessé. Parce qu'on te met face à l'un des meilleurs, le légendaire de cette génération, donc du coup attente de fou, et en même temps il est blessé, il peut pas catcher comme il le fait, donc forcément tu vas avoir un rythme qui va être peut-être en deçà de ce que les gens ont en tête quand ils voient un match de Tanahashi. Donc du coup tu pars déjà avec un peu une balle dans le pied, hein, donc est-ce qu'il a fait le boulot ou pas, il y avait rien d'honteux, il y avait rien qui était botché. On demande à voir plus dans un autre contexte, un autre affrontement, et c'est ce qu'on aura certainement dans le futur, hein, on en parlera un peu en fin d'émission, pour ce Jay White. Donc essaie pas de transformer, mais pas non plus louper. Donc, voilà, ouais. C'est plutôt le placement dans la carte, le fait que ce soit pour la ceinture intercontinentale qui plombe le truc. Dès le début, c'était peut-être un... Puis comme tu dis, le fait que Tanahashi est blessé, ça joue sur le fait qu'on reste un petit peu sur notre faim, mais ça reste quand même un très bon match. Hein. Ouais, complètement. Complètement. Et bien du coup, match suivant, un de ces deux main event, tel qu'on nous l'annonce, hein, donc, puisque c'est pour la ceinture US AWGP, détenue par le cleaner Kenny Omega, contre bien sûr Chris Jericho, l'alpha du monde du catch. Donc déjà, on parlait, tout à l'heure, tu nous disais, des costumes moches. Et là, vous le voyez à l'écran sur la vidéo YouTube. Bon, Jericho est arrivé, lui, avec différentes musiques, forcément, parce que c'est sa musique de son groupe Fozzy, hein, Judas. Mais il avait quand même l'écharpe et la veste qui brille, la veste à LED. Nouvelle version, plus classe, j'ai trouvé. Voilà. Mais entrée, un look globalement qu'on connaît. Il n'avait pas marqué GOAT, Greatest of All Time, sur son site, mais Alpha. Il avait un petit serre-tête. Voilà. pour tenir ses cheveux qu'on vient pousser. Mais voilà, écharpe et veste qui brille, slip, machin, on est dans du terrain commun, connu. Mmh. Alors que Kenny Omega, comme vous voyez sur la droite, et non, ce n'est pas une photo prise à la Japan Expo d'un cosplayer de Stargate, mais c'est bien Kenny Omega qui a débarqué en... j'ai rigolé, c'est les commentateurs américains qui disaient « Oui, on dirait un dieu venu du futur. Donc c'est un peu ça, hein, puisqu'il avait une cape bleu et noir et une espèce de casque et haut d'armure bleu et noir en tête un peu d'Anubis. On sait pas si ça correspond à un truc précis, c'est juste. Bah ouais, c'est vraiment Stargate, hein. Pour le coup, c'est Stargate. Stargate. Ah ouais, c'est du Stargate, puisqu'il il a été chercher Stargate. Parce qu'il a un gros flingue, parce que son trip à Kenny Omega, bien sûr, c'est notamment ça, hein, comme il était venu l'année dernière avec son fusil à pompe à la Terminator. Ça, c'est le truc, hein. Good night and goodbye, bang. Donc là, il est venu avec son gros canon à photon. Mais du coup, oui, c'est technologique, en même temps c'est antique égyptien. C'est Stargate, donc voilà, Kenny Omega qui est devenu effectivement en Stargate. Donc du coup, un costume un peu très discutable. Franchement, très discutable, franchement, ouais, non, c'est quand on voit, alors, c'est très très too much, quoi. Celui de Marty Scurll était too much, mais ça rentrait vraiment dans. Il a déjà un gimmick too much visuellement, Marty Scurll, avec son masque de médecin de la peste, donc vénitien, et ses ailes de corbeau, etc. Mais ça rentre dans le personnage, le côté là. C'est plutôt bien fait, ses ailes, hein. C'est noir. Ça s'est bien déployé comme il fallait, ça a fait l'effet visuel qui était recherché, ça s'est pas cassé la gueule au milieu de la truc. Ouais. Là, c'était moins réussi quand même. Hein. Ouais, c'était sacrément moins réussi. Mais bon, c'est pas grave, c'est que le costume, une fois arrivé sur scène, il l'enlève. Donc il vient Kenny Omega accompagné de ses inséparables potes de The Elite, les Young Bucks. Hein. Mais les Young Bucks sont renvoyés du ring assez rapidement, puisque déjà le match est sans disqualification. Ça sert à rien en plus qu'il y ait un avantage numéraire. Donc voilà, et c'est parti pour ce match no DQ, hein, un truc dans lequel ils ont pas l'habitude au Japon et ça se voit, puisqu'à un moment donné on a Chris Jericho qui place Kenny Omega dans Walls of Jericho, donc prise de soumission. Kenny qui rampe jusqu'aux cordes, prend la troisième corde, enfin la première corde pardon, avec celle du bas, et l'arbitre Red Shoes qui fait à Jericho arrête, il a les cordes, et Jericho qui lui dit à un moment donné mais on en nodicus, c'est pile idiot. Espèce d'idiot. Et c'est vrai qu'il y avait un petit côté flottement comme ça. Est-ce que il y a un peu une polémique. Oui, mais voilà, l'arbitre a chié dans la cote. Non, on s'en fout. Et puis encore une fois, les règles sont peut-être différentes du Japan. À moins, il faut accepter qu'on connaît pas toutes les règles. Comment ça se passe au Japan? Ils font très peu nodicus. Les arbitres font du mauvais arbitrage. Regardons. Le dernier SmackDown Live qu'on a chroniqué hier avec Giscard, où l'arbitre déclare la fin du match alors que les deux mecs qui sont dans le ring sont pas les mecs officiels, quoi. Donc je veux dire, c'est voilà, à WWE ça se voit tout le temps, donc pourquoi pas à New Japan aussi, ils sont passés sans, on s'en fout, c'est pas ça qui retire du match, hein. Il y avait tellement plus à voir, donc c'était une vraie baston. Kenny Omega l'avait dit dans ses interviews avant le Voice of Kingdom, vous n'allez pas voir le Kenny Omega que vous avez vu contre Okada. Vous n'allez pas voir le Kenny Omega que vous avez vu contre Naito à la finale du G1. Vous n'allez pas aller voir le Kenny Omega, la machine technique, mais Kenny Omega, le bagarreur. Et donc, c'était ça l'intérêt aussi pour lui, hein, pour ce grand catcheur qui est reconnu que par beaucoup d'équipes, de rédactions, de podcasts, etc., comme peut-être le meilleur catcheur au monde aujourd'hui, de montrer sa face plus violente, plus hardcore. Jericho, lui, de se confronter à ce compatriote de Winnipeg et aussi remontrer un peu... qui peut faire de l'hardcore, hein, puisque si on se rappelle des matchs, moi je me rappelle à l'époque Jericho quand il était heel, qu'il était en feud contre CM Punk qui était champion. Ils avaient fait un Chicago Street Fight, il me semble, pour solder tout ça, qui était un Street Fight, mais du coup PG. Là c'était une sorte de Street Fight, mais pas PG. Et on voit effectivement la différence. Il y a eu du sang, évidemment, qui est arrivé durant du match, donc comme il avait fait quand il était venu chauffer Omega avant, du coup il a pris le sang d'Omega, il a pris le sang d'Omega et s'est mis sur le visage, donc renforçant cette image complètement hardcore et très heel, hein, de Jericho. Et Jericho qui à un moment donné tabasse l'arbitre Red Shoes et commence à prendre un des Young Lions qui est à côté, encore eux. Mais il y a le fils de l'arbitre Red Shoes, qui est un des Young Lions, tu reconnais parce que c'est le seul Young Lions qui a aussi des chaussures rouges. Et alors qu'il y a l'arbitre qui est par terre en train de vendre le coup de Jericho, Jericho qui prend son gamin, lui met une tarte, le place dans le wall of Jericho, à côté du père, et il fait « Hey, regarde ton fils, mec, regarde ton fils !» Génial. Gros connard, quoi. Ah ouais, non, il était plus qu'une saloperie, c'est ouais. Chris Jericho du Japon. Ah, c'est clair. Donc on a, bien sûr, à l'extérieur, hein, ça a beaucoup catché l'extérieur. À un moment donné, Jericho est à mal, il y a Omega qui défonce tout le système audio et vidéo des commentateurs américains. Mmh. Omega qui balance un moniteur télé et une place sur une chaise qui est placée au niveau des couilles de Jericho, en fait. C'est, alors qu'il est sur le dos en train de mourir, entre guillemets. Omega qui lui met une chaise, il prend un moniteur et il éclate sur la chaise, c'est n'importe quoi. Voilà, c'était. Il y a énormément de choses, hein. Le match était assez long, je sais pas combien de temps il a duré, mais c'était. Ouais, ça a duré plus de 40 minutes, je crois. Ouais. Ouais, non, c'était. Voilà, Jericho, pareil, qui se venge, qui prend des chaises, qui tape Omega avec. À un moment donné, la chaise, elle éclate avec le dossier qui part. Bon, bref, énormément de violence. À un moment donné, il y a une table qui est mise forcément à l'extérieur. Jericho veut le faire passer Omega avec une powerbomb, mais finalement, on la fera sur le sol. Et plus tard, bien entendu, hein, comme la loi des tables qu'on place, elles sont forcément pour nous. C'est Jericho qui la traversera lorsqu'il est au niveau du troisième, au niveau du poteau, le dos vers l'extérieur, donc vers la table. Et là, Kenny Omega fera un V-trigger, hein, un coup de genou sauté complètement tonitruant, qui fera passer Jericho travers la table après une micro-hésitation de Y2J, mais le spot était assez fou. Donc voilà, il y avait à un moment donné un double underhook pile driver de la part d'Omega sur Jericho, mais Jericho reste encore dans la course. Un one-winged angel que Jericho contre en Walls of Jericho, là, explosion, le public est absolument en feu. Voilà, il y a eu encore une fois le coup de Jericho, il fait une transition vers Lion Tamer. À un moment donné, il y a Omega qui monte sur les cordes, Jericho qui fait son dropkick en montant, en prenant l'essor sur les cordes, son slingshot dropkick en donnant un coup dans le genou d'Omega. Omega qui tombe à la renverse, on a l'impression qu'il se casse trois côtes et le coup. Bref, c'était ultra violent et surtout très bien vendu de la part de l'un ou de l'autre. Peut-être qu'on peut dire qu'Omega a fait plus ce boulot ou pas, on s'en fout, dans tous les cas, on prend notre pied. C'est assez dingue. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur la fin? Jericho place son codebreaker, Omega le vend comme un dieu, mais résiste, hein, seulement pour compte de deux. Et là, Omega va reprendre la main et va faire un one-winged angel donc sur une chaise, donc en éclatant la gueule de Jericho sur la chaise. Et c'est ce qui sera suffisant et le signe de la victoire. Bien sûr, Kenny Omega reste le champion US de la New Japan. Alors, ce match qui a une hype internationale complètement folle, est-ce que là aussi, ça a répondu aux attentes? Carrément, le plus grand catcheur de l'heure actuelle, je pense qu'Kenny Omega, il y a guère au-dessus de lui, il y a que Okada qu'on verra un petit peu plus tard. Et la légende du ring, Chris Jericho, qui a porté la WWE l'année dernière, Monday Night Raw du moins, qui on lâche la bride, qui peut se lancer dans un match hardcore des familles, et tout y passe, tout l'arsenal y passe, tout le décor y passe. Effectivement, hein, on a pris un pied pendant tout le match. C'était super violent, c'était super bien fait, super selling d'Omega qui était peut-être plus sobre que Chris Jericho qui faisait le Jericho Show lui. Hein. Parti là quand il a pris en photo la foule là en faisant des doigts d'honneur sur les photos finales. C'est ça. Il a bébé gâté, comme tu dis, il va torturer les Young Lions autour du ring là, humilier un arbitre. Il y a même Don Callis qui se prend, je crois qu'il se prend Kenny Omega sur la tête à un moment donné. Oui, Don Callis, le commentateur anglais, enfin américain, en langue anglaise. Il y avait vraiment tout été fait pour que ce soit le plus grandiose possible. Ils ont répondu aux attentes. Il y avait une hype énorme. Y2J qui marque le coup là, tout est fait pour qu'il soit mis en valeur avec cette allure là de vieil ours mal léché là qui vient affronter le jeune Omega, et puis Omega qui fait le job pour mettre en valeur Chris Jericho, qui s'est mangé pas mal de V-trigger dans la gueule, hein, Chris Jericho, quand même, tout le long du match. Impressionnant. C'était, je pense que c'était la meilleure chose à faire que de transformer ça en no DQ. pour que Jericho puisse se lâcher sans qu'on soit trop dans le technique ou dans la rapidité. On aura peut-être eu du mal à suivre le rythme d'un Kenny Omega. Et puis soyons honnêtes, sur un match de catch comme par exemple Omega a fait contre Okada, je pense que Y2J après il catchait plus, hein, parce que se prendre des Tiger souplex du haut de la troisième corde et des choses comme ça sur la nuque, ça va bien quand t'es jeune, mais pas quand t'as l'âge de Chris Jericho. Donc c'est plus simple de se prendre une petite télé sur les couilles ou un truc comme ça. Et encore une fois, ça revient à ce que je disais un peu quand on parlait du match Junior Fatal 4-Way, hein, c'est que ça nous montre encore un match dans un rythme et un style différent. Ça nous montre un match un peu hardcore, un match un peu street fight, no DQ. Ouais. C'est bien, ça complète, ça enrichit l'offre de la carte en fait. C'est ça, carrément. Ils n'ont pas l'habitude de faire ça du tout à la New Japan, et c'est vraiment l'apport de Chris Jericho dans l'histoire, et aussi Kenny Omega qui est souvent là au rendez-vous quand ils font des matchs à gimmick, ce qu'ils ont commencé à faire là depuis quelques années. Ouais. Hein, généralement, c'est juste du 1 contre 1. Donc Kenny Omega, le buzz qu'il a autour de lui, c'est pas volé. Hein, on le voit encore dans ce match-là où il est le pilier du match. Tout repose sur lui et sur la carte. Tout le buzz qui a été fait autour de Wrestle Kingdom, c'est en grosse partie aussi grâce à cette rivalité avec Y2J. Et derrière, on nous a pas vendu de la merde, hein. on n'est pas déçu, nous a pas vendu du vent. C'est le spectacle était au rendez-vous, donc là, on peut que encore une fois dire chapeau. Genre douce de joie. Je vais couper le micro pendant que je m'étrangle. Vas-y. Donc ouais, c'est toujours compliqué quand il y a autant de hype que ça autour d'un match d'avoir un truc qui nous satisfasse. Mais là, bah voilà, on a eu ce qui est annoncé, quoi. No DQ, du sang, de la violence, des coups salauds de la part d'un Jericho ultra vénère. Voilà, un Omega qui remporte le challenge et qui a souffert, qui a lutté, qui aurait pu perdre, mais qui a gagné. Bref, voilà, c'était exactement ce qu'on voulait. Et encore une fois, c'était annoncé, c'était clairement ce qui était annoncé. Et ça, je respecte. Et, encore une fois, après, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, je pense que ce match a fait quand même l'unanimité dans le monde du catch. Paris réussi pour les deux, pour la New Japan, pour Omega et aussi bien sûr pour Y2J, hein, qui a très bien joué le coup. Bravo, hein, des gens se demandaient si ça allait rendre un truc bien, ce pari qu'il a fait de sortir des jupons de la WWE de Vince. Et ben ouais, encore une fois, il a eu un très bon nez sur la question. Très très malin ce Y2J, hein. Bah ouais, on a eu le work rate et on a eu la violence que réclament les fans de la WWE nostalgique de l'attitude era, donc associé au work rate, hein, qui est tellement important aussi pour les fans à l'heure actuelle. Voilà, la combinaison gagnante, c'est ça qu'on aime voir aussi. Et bien enfin, on passe au deuxième et au vrai main event de la soirée, le match pour le AWGP Heavyweight Championship, hein, donc contre l'incroyable Kazuchika Okada et contre le challenger favori de la foule, hein, l'ingouvernable Tetsuya Naito. Voilà, donc un match avec un build-up juste fabuleux. Si vous avez écouté notre podcast sur la carte de Wrestle Kingdom 12, j'ai déjà été assez dithyrambique sur la construction de ce match et la montée de Naito jusqu'à cette victoire au G1 et cette finale. Et donc là, ce rematch entre les deux. Donc voilà, quelque chose qui était assez fou. Donc forcément, tu le disais, hein, le main event, c'est le dernier match. Même s'il y avait des histoires de double event ou pas, on l'a vu au niveau des entrées. Là, on était sur le main event. Hein, là, je montre une petite photo pour ceux qui regardent la vidéo de l'entrée de Tetsuya Naito, qui est rentré sobrement dans un costume blanc très élégant avec une cape et un masque de Okami, hein, donc un kitsune, je ne sais pas, donc une créature un peu mythique japonaise avec tout le setting en fond qui était rouge avec des flammes. C'était assez splendide. Et Okada, lui qui est rentré forcément avec Gedo, son acolyte, et sous une pluie de billets, juste aussi une très très belle image. Et donc Okada qui a changé, qui maintenant a un pantalon, un pantalon fait dans la même matière, même motif que son manteau culte. Donc ouais, il ressemble effectivement, on dirait que c'est une sorte d'armure, je sais pas, de chevalier du zodiaque version moderne. Donc voilà, très impressionnant les deux sur leur entrée. Un match, je veux dire, là aussi c'est compliqué à résumer tout ce qui s'est passé, parce qu'il a été moins long, je crois que l'année dernière, le match Omega-Okada, mais il a quand même aussi duré entre 30 et 40 minutes, je crois, un truc comme ça, donc très très long. Du va-et-vient, ce qu'on nous vendait en fait en termes de storyline, c'est que Okada venait de trouver le contre au Destino, la nouvelle prise de finition donc quasiment imbattable, imparable jusqu'à présent de Naito. Donc c'était une prise de soumission, hein, un Cobra Clutch, une prise du Cobra. Donc du coup, c'était est-ce que Okada pourra l'utiliser dans ce match-là et va réussir à contrer le Destino avec. Eh bien, c'était le cas. Hein, plusieurs reprises, il aura placé cette prise dans laquelle Naito aura eu du mal à se dégager. Mais à mon avis, il aurait même eu un Cobra Clutch que Naito a transformé en Destino. Donc il y a eu effectivement sur la fin du match beaucoup d'échanges de contre et de prises de finition, prises ultimes, dont ils se sont tous relevés. Donc sur la fin du match, qu'est-ce qui se passe? Et bien donc, comme je vous le disais, Cobra Clutch d'Okada, Naito qui le contre en Destino, mais il est tellement crevé Naito qu'il n'arrive pas à aller faire le tomber. Naito qui fait donc un Alabama Slam et ça contré en El Scissor Drivers, puis bien sûr Rainmaker de la part d'Okada. Destino, Okada se réchappe. Voilà, ça finit où Okada en a marre, place Naito dans un tombstone, pas driver, mais Naito refait un Destino, c'est juste un truc de malade, et Okada finira par faire un jumping, twisting tombstone sur Naito, qui était juste complètement... Ouais, qui était juste ça, et derrière, voilà. il n'a pas lâché le poignet de Naito, le relève, le remet un dernier Rainmaker, où là, Naito, il fait son trois fois le tour de la planète, j'ai envie de dire, et Okada, eh bien, du coup, redevient, enfin, conserve son titre, j'en perds mes mots français, conserve ce titre, donc, AWGP Heavyweight Championship, contrairement à ce que beaucoup de gens anticipaient, hein, même nous, quand on en parlait, on voyait, toi comme moi, Naito gagner, et j'ai même envie de dire que moi, j'avais envie de voir Naito gagner, et c'est ce qui a peut-être rendu que ce match... était aussi sur le deuxième, le troisième tiers fou, parce qu'il y a eu des finishers, des coups, des power moves dans tous les sens, et à chaque moment que Naito allait faire un tombé, je me dis ça y est, c'est le moment où il va prendre la ceinture, et ce moment n'est pas arrivé. Voilà, Okada, trop impérial, trop parfait peut-être, est-ce que c'est un dieu du catch, je ne sais pas, mais voilà, il reste en haut de la chaîne alimentaire, la New Japan. Est-ce que cet affrontement entre ces deux superstars, là aussi, a comblé l'attente qui était assez grande? Ah, que du bonheur ce match-là. Donc je pense qu'effectivement, sur le final, hein, on voit pas. Le déroulé du match est juste parfait, hein, dans l'exécution, encore une fois, de l'histoire qui a été racontée. Les performances sont assez incroyables. Je pense que beaucoup de personnes ont été déçues de la défaite de Naito. Il méritait, comme dit Max en sur le chat, Naito aurait mérité sa victoire, mais ça ne change pas la qualité du match. Et c'est ça clair. Change pas la qualité du match. J'ai envie de dire, d'accord, Naito, il est très populaire en ce moment. Mais moi, en tant que gros marque de Kazuchika Okada, du fait que je le suis là depuis le début de son run. Je suis assidûment depuis 2 ans, hein, Okada, il m'a jamais déçu, c'est un champion incroyable, et pour moi, Naito, aussi bon qu'il soit, il a pas le niveau d'Okada, donc je suis moi personnellement très satisfait de cette victoire d'Okada, qui a encore une pièce en plus là une pierre en plus sur la muraille là de sa légende là, qui est en train de se construire, hein, parce que c'est là qu'on voit, tu vois, la différence entre le booking général de la WWE et le booking à l'ancienne de la New Japan, qui vient de créer son champion, sa star. C'est l'équivalent de ce qu'on avait dans les années 80 quand on avait Hulk Hogan à la WWF. C'est vraiment le mec qui est plus fort que tout le monde. Tu as ton meilleur gars qui est champion. Alors, ok, Naito, c'est un très bon catcheur. Il tient un personnage de heel qui est fantastique. Il est très populaire en ce moment. Mais entre les cordes, il n'a pas le niveau d'Okada. Okada est quand même au-dessus. Okada qui est quand même... Alors, en plus, Okada, il est diminué. J'ai envie juste de dire quand même que moi, Naito m'a impressionné sur un truc, c'est sa capacité à changer de direction. En pleine séquence dans le match, quoi. À un moment donné, ça va là aussi très vite à certains moments, et il court, et puis d'un coup, il s'arrête, il change de direction, interrompt son mouvement, et il a une espèce de vélocité, d'élasticité dans le ring par rapport à ce mouvement qui est juste, je pense, au-dessus de Kada. Donc, c'est très difficile de dire que Naito est moins bon ou de mettre moins bon dans la même phrase que Naito. C'est vraiment un mec qui a un talent énorme. Mais pour moi, Okada, c'est vraiment oui. au-dessus. C'est un mec qui maîtrise absolument tout ce qu'il fait. Et en plus, c'est pas, on n'est pas sur le part-timer comme on a à la WWE. Bon, on n'est pas là pour casser du sucre sur le dos de la WWE, mais c'est juste pour expliquer à quel point c'est un grand champion Okada. C'est qu'en même temps, en 2017, il a fait des matchs magistraux. Il s'est tapé Suzuki deux fois dans l'année dans des matchs vraiment terribles, hyper violents. Il a fait le G1 Climax. Il a eu un match avec Shibata qui était d'une violence incroyable, qui a mis fin à la carrière oui. de Shibata. Il est en plus, il est diminué à l'heure actuelle parce qu'apparemment visiblement il a des problèmes de cou. Hein. On l'a vu le lendemain, il était complètement strappé pour le match. Et puis ça se voyait dans le match qu'il était très très entre dents, très crispé quand même tout du long. Je pense que l'année 2017 a dû lui faire beaucoup de mal. A fait beaucoup de mal à son corps et je pense que ça risque de décourter peut-être sa carrière aussi. C'est ce genre de performance là qu'il a fait dans les matchs contre Omega hein, qui était surtout que dans, des matchs très bons. Au début du match quand même là il y a Naito qui lui fait un violent neckbreaker sur une des barricades hein, donc ça n'a pas dû aider c'est ça il se prend des bumps sur la nuque depuis des années là Okada qui sont vraiment terrifiants. Mais après il a tellement un catch parfait dans tous les sens du terme. Pour moi c'est le meilleur du circuit mondial et c'est normal que ce soit lui le champion et c'est normal que ce soit lui le champion. Naito il aurait dû sortir encore un cran au-dessus parce que il a vraiment été très bon, mais j'ai déjà vu meilleur que ça Naito. Et ce soir-là c'est encore une fois Okada qui gagne et c'est comme ça qu'on construit un bon champion. Il est encore très très populaire Naito hein, oui Okada bien sûr. Naito plus, mais Okada est encore très populaire. Il a eu une petite réaction quand il est arrivé un peu à la Cena, il y a eu des encouragements, des boues, etc. Mais en tous les cas, je pense, pour revenir à ce que tu disais, on voit aussi la différence d'une chose que la WWE ne fait plus trop maintenant, c'est le long-term booking. C'est un booking sur du long terme. Il construit ça sur plus longtemps. Et tu changes pas de route en cours de sens, tu restes sur le champion. C'est-à-dire que même si actuellement Naito est plus over avec la foule que Okada, que Los Ingobernables et Rapone est clairement plus over avec la foule que Chaos, et que Naito avec cette belle histoire de rendez-vous manqué dans le main event de Wrestle Kingdom, et que là c'était tout était over pour qu'il ait la ceinture, et ben du coup ils sont pas dit ah c'est le moment, il est hot, il faut capitaliser dessus, on va le faire champion, parce qu'en fait, et je pense que c'est assez intelligent, il compte sur le fait que cette défaite de Naito ne vienne pas ternir son amour, l'amour du public qu'il a pour lui et son aura. Et je pense que ça sera le cas. Je pense que ça va conserver tout le splendide que peut avoir Naito aujourd'hui. Ça ne va pas être terni par cette défaite contre Okada parce que justement c'est contre Okada. Et le moment où quelqu'un battra Okada, ça sera en clean et machin, ça sera juste un coup de tonnerre au niveau de la New Japan. Ça sera de suite un instant classique où la personne qui fera ça sera de suite un grand champion, juste pour l'exploit d'avoir détrôné Okada, qui est le plus long champion règne le plus long hein, chez le heavyweight AWGP. Donc ils construisent une légende. Je crois qu'il est à deux défenses de titre de battre le record de Tanahashi. Voilà. Donc du coup voilà, il y a aussi ce côté construire sur le long terme et ça donne tellement de crédibilité à la ceinture derrière. Oui aussi, c'est beau. Ouais, moi je voulais que Naito gagne pour ce côté affectif que j'avais, mais j'ai pas été déçu. J'ai été déçu de sens de voir qu'il gagnait pas, mais le finish me déplaît pas, loin de là, parce que c'était un match qui était super disputé. Et oui, Okada mérite de gagner. Ils ont réussi à en faire un mec suffisamment fort pour dire bah ouais, il mérite quand même de gagner, même si mon poulain il a perdu quoi. J'étais pas en train de rager, faire ah oh, putain ça fait chier, non. Donc ouais, c'était un match vraiment très cool. Il y a des gens qui micro débat qui se disent ouais, est-ce que ce match était peut-être moins bon que le Omega Okada l'année dernière et que au général le Wrestle Kingdom de cette année était moins bon que celui de l'année dernière. Très rapidement dessus, j'ai envie de dire bah peut-être, hein, ça dépend. Si vous l'avez trouvé moins bon, c'est qu'il est moins bon pour vous, que le match est moins bon, que le show est moins bon, mais en même temps, c'est pas de show en show, on n'est pas sur une courbe toujours croissante. Quand l'année dernière, c'était un show exceptionnel avec un match, un main event qui était exceptionnel. Et cette exception, elle peut pas être reproduite tout le temps. C'est pas parce qu'on le fait une fois qu'on va pouvoir le reproduire à chaque fois. Le match qu'on a eu, AJ Styles, Cena au Royal Rumble cette année, Je sais pas si au Royal Rumble de cette année qui vient, on aura un match de ce calibre-là. Et c'est normal, ouais. On peut pas avoir des matchs de ouf. Le match qu'on a eu entre Cena et CM Punk au Money in the Bank à Chicago, quand CM Punk a pris la ceinture et est parti en faisant etc., qui était un truc où on se rappellera 10 ans plus tard. Eh ben, l'année d'après, il n'y a pas eu un match qui était aussi ouf, mais ça en fait pas forcément un mauvais show du suivant Money in the Bank. Et là, c'est pareil. Je sais pas quelle note il y aura de Meltzer sur le match Okada Naito. Peut-être qu'il sera moins bon que le Okada Omega, mais c'est pas parce qu'il est un peu moins bon que c'est pas parce que ça a fait un mauvais match ou un mauvais show dans l'ensemble. Je pense que ça, il faut garder en tête. On a toujours l'impression de se dire « Ah, bah c'est le nouveau étalon à battre. » Peut-être, mais c'est pas une progression qui est facile à faire. Donc non, moi, j'étais... faut prendre les choses telles qu'elles sont et pas... C'est ça. Bah, il faut dire que le Wrestle Kingdom 11 de l'année dernière, c'était un show... Alors, j'emploie souvent l'expression « exceptionnel », mais il n'y a pas mieux que ce show-là pour mettre ce qualificatif-là. Hein. On était sur un niveau qui était... jamais vu jusqu'alors. Hein, ça a gagné 5 et 6 étoiles le match. Ouais. Le match Okada. Omega le premier. Omega, ouais. Ça l'a pas volé. Pour moi, c'était vraiment ça reste à ce jour peut-être le plus grand match que j'ai pu voir sur 20 ans ou 30 ans que je regarde le catch. Le reste de la carte était aussi exceptionnel. Hein, alors j'ai plus tout en tête, mais il y avait Kushida contre Takahashi qui était aussi un match absolument génialissime. On avait Naito aussi avait fait Naito Tanahashi qui était très bonne. Hein. Voilà, exactement. On était toutes les cartes étaient alignées. On avait les bonnes personnes aux bons endroits. Et tout le monde a fait le job comme il fallait. Il y avait vraiment rien acheté et on est sur un des plus gros shows de l'histoire du catch, ce Wrestle Kingdom 11. Là, on est sur un excellent show. Rien à redire. Il y a quelques, par exemple, Jay White en positionné, par exemple, face à Tanahashi. Effectivement, c'est peut-être moins judicieux et du coup, ça se ressent. Maintenant, il y a quand même pas grand-chose à acheter dans le show. Même j'ai envie de dire quasiment rien. Le truc le plus faible, ça doit être le Gauntlet Match, qui est quand même tout à fait regardable. Oui, mais qui n'était pas ouf. Pareil, le tag team match entre Killer Squad. Il y avait plein de déchets aussi sur Wrestle Kingdom 11. J'ai envie de dire, si vous découvrez la New Japan avec ce Wrestle Kingdom de cette année, n'hésitez pas à aller regarder celui de l'année dernière qui était absolument historique. Maintenant, c'était fou l'année 2017 de la New Japan. Ça va être chaud de faire en 2018 encore plus. Et à leur crédit, sachant qu'ils ont perdu 4 de leurs main eventers qui ont été piqués par la WWE courant 2015 ou 2016, hein, puisque AJ Styles, qui était un des main eventers, est parti. Nakamura. Et les deux du Bullet Club, Gallows et Anderson, hein, qui étaient au top de la division tag team. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire en 2017 en ayant perdu comme ça leur tête d'affiche. C'est vraiment sachant qu'il n'y a pas les moyens de la WWE derrière. Il y a aussi beaucoup de gens, on a eu un gros débat sur notre petit Skype interne sur la qualité technique et le rendu du show. C'était mon deuxième micro-débat, effectivement, effectivement sur la qualité de production de ce show, de Wrestle Kingdom de New Japan, dans le sens où, effectivement, vous l'avez remarqué, il y a quand même beaucoup moins de moyens qui sont mis en place. On voit que les abords du ring, les tables des commentateurs, c'est des tables en bois avec vraiment des vieux moniteurs qui sont posés dessus. Barrières sont des barrières. Voilà, les barrières, c'est des barrières en métal. Il y a beaucoup de gens autour du ring. Il y a des gens qui prennent le son avec des micros faisceaux. Bref, c'est clair que c'est clairement largement en dessous du niveau de production de la WWE, même si, il y a quand même une grosse salle avec quelques entrées qui sont sympas. Mais on n'est pas au niveau produit fini, la WWE. Du coup, est-ce que c'est gênant ou pas pour apprécier le show et les matchs? Moi, j'ai envie de dire, pour résumer l'avis que je disais en interne, c'est que ça dépend des gens, des priorités, en fait. Il y a des gens, des fans de catch, pour qui, en fait, qu'importe l'embrobage, la qualité de production, ce qui compte, ça va être l'histoire racontée dans le ring et la qualité catchesque. Il y a des gens pour qui, avoir du gros show, des feux d'artifice, des supers entrées avec des musiciens, etc., c'est un point important. Dans ce cas-là, c'est deux points qui s'affrontent, mais qui sont différents. Et je pense que chacun en est positionné avec un mélange en contraste de tout ceci. Mais tout dépend effectivement si ça nous bloque ou pas. Et c'est clair que je conçois qu'il y a des gens qui soient bloqués en regardant le show en disant « Putain, les mecs, ils sont balèzes. » Mais franchement, le produit lui-même, il est un peu crado, quoi. Donc ça, ce que tu nous disais, c'est que ben la WWE a ou la TNA par exemple a un contrat télévisuel, donc a du matériel, a des équipes qui sont formées à enregistrer, filmer les shows. La New Japan, c'est pas le cas, ils ont pas de show hebdomadaire. Ils ont en fait, ils retransmettent voilà. Que les pay-per-view. Donc c'est quoi? C'est 8 shows par an, ouais, je crois. Voilà, 8 shows, je crois. Puis c'est encore des shows un peu plus mineurs qui sont diffusés aussi. Mais ils n'ont pas d'équipe technique de télévision New Japan. C'est les chaînes de télé qui vont acheter les droits, qui vont les diffuser, qui vont venir filmer le show, un peu comme, je ne sais pas, n'importe quelle retransmission sportive de France 2, ouais. Ou voilà, un tournoi d'athlétisme ou un truc comme ça. Donc forcément, on n'a pas un cahier des charges comme il y a la WWE, et puis il n'y a pas le budget, clairement il n'y a pas le budget de la WWE, qui a un empire... médiatique sans commune mesure avec la New Japan, qui reste juste une fédération de catch qui a du succès en ce moment, qui fait le buzz, mais on n'est pas du tout sur les mêmes rentrées d'argent. Le colossal deal TV de la WWE, ça rapporte un pognon monstrueux qui enterre complètement la New Japan. Donc je pense que là ils sont au taquet de ce qu'ils peuvent investir à la production et dans la réalisation d'un show aussi énorme que le Wrestle Kingdom. Maintenant c'est sûr que s'ils veulent vraiment dans une ambition d'aller sur le monde international, super comme expression, voilà, sur le terrain mondial pour concurrencer la WWE, il va falloir qu'ils fassent un effort au niveau de la production. Ça c'est pas nouveau, s'ils veulent avoir un produit clairement plus propre à montrer, et puisque aussi la WWE a mis le niveau très très haut. On a vu qu'ils ont fait des économies là en fin d'année, parce que peut-être que ça commençait à leur coûter cher en pyro et en choses comme ça. Parce que quand même la WWE, ils sont en haute définition, ils ont les rampes avec les LED dessus, tout le ring est customisé. Ça fait pas non plus très très longtemps que c'est comme ça. Ça a mis un standard maintenant qui va être difficile. À égaler. Ils ont pris une avance qui est considérable. Quand on voit les shows, la Ring of Honor, c'est des shows qui sont aussi dégueulasses à peu près que la New Japan. Il y a la Lucha Underground qui propose un produit télé qui est à peu près propre, même si moi j'ai beaucoup de mal à rentrer dans leurs émissions. Il y a beaucoup de montage qui est plus cinématographique que la WWE. Et la TNA qui a un produit qui est relativement propre, mais la TNA c'est un gouffre à pognon, hein, ils perdent du fric, ils n'arrivent pas souvent à boucler les enregistrements. C'est très petit comme ça aussi, c'est très petit comme ça la TNA. Quand ils sont chez eux, Orlando, ils sont dans leur pénate, mais après quand ils sont à l'extérieur, la production est dégueulasse. Hein, aussi, donc, C'est vrai aussi, quand ils ont fait leur show en Angleterre, c'est horrible. Tout ça pour dire que si tu mets trop de billes aussi dans la production, si ton show et quelque part ça ne fonctionne pas à un moment donné, tu vas tout perdre. Et c'est peut-être pas la priorité. Ouais, je suis d'accord, mais quand même, pour me faire l'avocat du diable et aussi porter la voix de fin nos compars l'équipe Catch-Up, je pense que c'est quelque chose qui est important quand même, l'enrobage de design, puisque la WWE a mis au niveau mondial non plus seulement une émission de catch, mais du divertissement sportif, dont le sport c'est du catch, et donc du coup ce côté divertissement ça passe effectivement par justement ce décorum, la musique qui retentit, qu'on entend bien, les commentateurs qui sont derrière une table qui design avec les logos, les machins, avec des rampes d'accès un peu design. Et je pense que au final, si tu veux mon avis, si tu veux conquérir un nouveau marché, si tu veux conquérir de nouveaux abonnés pour leur service de network, pour remplir des shows aux États-Unis, eh bien, c'est important d'investir. Pour pouvoir récupérer un résultat, il faut faire le sacrifice d'investir. Et je pense que là, New Japan, c'est pas dans le type de catch, c'est pas dans le roster, tout ça, c'est là. C'est un style de catch différent de WWE, mais après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est ce qui fait aussi la particularité. Mais je pense que investir un peu, même si ça coûte du pognon, mais c'est investir qui n'est pas non plus des infrastructures de folie, pour que justement le design, l'enrobage et la production soient mis un peu plus au niveau, pas au niveau de la WWE, mais encore une fois, avoir des choses un peu plus propres, moins de gens autour du ring. J'ai trouvé que c'était un peu chiant parfois, notamment dans le match Ibushi-Cody, ou même le main event, hein, Okada plusieurs fois qui fait comme ça. ouais. pour dire aux gens, barrez-vous parce que je vais faire un spot, quoi. Il y avait beaucoup de monde parce qu'il y a des preneurs de son de tous les sens, des caméramans de tous les sens, les mecs sont pas forcément rodés. Parce que si c'est ça, les caméramans, comme ils filment pas tout le temps du catch, et ben ils ont pas les mêmes réflexes. On l'avait vu sur NXT Wargame, je crois, où c'était pas les équipes classiques de la WWE, mais c'était des part-timers. On a vu des problèmes de réalisation, et c'est normal. Tu peux pas filmer un documentaire ou une série télé et filmer du catch, ça se filme pas pareil du tout. Donc, faut pas sous-estimer la difficulté de réaliser un show de catch pour la télé. Les mecs de la WWE, ils sont rodés parce qu'ils filment ça trois fois par semaine tout le long de l'année. C'est pas tout à fait le même cas de figure pour exemple ce qui se passe au Japon. Donc comme tu dis, effectivement, il va falloir qu'ils trouvent une solution pour présenter quelque chose de plus propre. Rien que le fait de monter peut-être des résumés qui soient un peu traduits, un peu sous-titrés, etc. Ce serait une solution. Je me demande sous quelle forme ça va être présenté sur Access, parce qu'il y a 2-3 jours de décalage pour la présentation à la télé sur la chaîne américaine. Ils vont peut-être refaire un habillage autour, mais c'est pas sûr. Ils vont peut-être le montrer en pro debut comme ça. Après, voilà, toute une question. Parce que ils ont quand même frôlé, juste pour terminer là-dessus, ils ont quand même frôlé la banqueroute une paire de fois dans New Japan, notamment à un moment donné quand ils avaient investi sur Brock Lesnar, qu'ils avaient fait venir en tant que main eventer, qui avait fait le main event du Wrestle Kingdom face à Nakamura. Ça n'avait pas du tout marché. Lesnar leur avait coûté très cher, ils n'ont pas réussi à le payer. Ça a failli signer la fin de la New Japan, donc je pense qu'ils sont quand même motivés à aller sur le marché international. Ça se sent dans les propos, dans les conférences de presse qu'ils donnent. Maintenant, c'est aussi, je pense, une façade. Je pense qu'ils sont quand même, ils y vont très très doucement pour pas se brûler les ailes, parce qu'ils auraient vite fait de faire banqueroute. C'est vraiment, faut vraiment qu'ils fassent. Ils font vraiment très attention à ce qu'ils font. Ils y vont pas trop vite. Et ce sera peut-être sur le long terme qu'ils arriveront à perdre. Sachant que j'avais regardé une vidéo YouTube sur la chaîne New Japan, donc en anglais, tourné par les commentateurs américains, où ils passent un peu la carte pour le public international. Et à mon avis, ils utilisent un petit peu, et c'est dans un lieu avec un ring de New Japan et une infrastructure. Et puis il y en a un qui fait, Don Callis, qui fait, mais ce lieu, c'est quoi? C'est un lieu secret, on n'en parle pas. Je pense qu'ils sont en train de préparer peut-être une salle New Japan, où ils vont faire des shows régulièrement aux États-Unis, peut-être. Ils ont un dojo en Californie, donc peut-être que, voilà, ils vont avoir aussi une salle, ils vont faire des événements un peu comme la Fusei Arena pour NXT, ou si Orlando pour la TNA, je sais pas, on verra. Ou alors peut-être une salle pour des enregistrements de télé, pour une émission de télé hebdomadaire au Japon. Peut-être. Ce qui pourrait être déjà une bonne avancée. Mais bon, finalement, il se passe des choses et le show est une réussite. Ouais. Donc, par rapport à leur plan, je pense qu'ils sont dans les clous et c'est ça l'important. Ouais. Je réponds juste une petite question, Dimitri. Le petit Dimitri avait une question sur. Avait une question sur le chat en parlant du main event. Est-ce que c'est standard ces séquences finales de match où on est dans le no selling total et où les mecs empilent des finishers jusqu'à plus soif? Voilà, question de Dimitri. Est-ce que c'est son arme, du coup? Petit Dimitri, c'est ce fan de la WWE là, qui traîne partout sur les sites. Ouais. C'est ça. Oui, c'est souvent comme ça qu'on termine un grand match en faisant des enchaînements de finishers, des mecs qui font du no-selling parce qu'ils sont dans l'adrénaline à 200%. Voilà, ils veulent gagner cette ceinture. Alors bon, on peut préférer Jinder Mahal contre AJ Styles, par exemple. C'est vrai que dans le catch classique, ces fameux coups de karatéka là, de la troisième corde, c'est impressionnant aussi, j'avoue. Mais bon, c'est une autre culture. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, voilà, c'est le Japon dans sa culture, comme tu dis, dans les jeux vidéo, dans le manga par exemple. Forcément, plus le combat s'avance, plus il faut en faire des tonnes. Et puis les power moves dans Dragon Ball ou Saint Seiya, les power moves qui au début du combat suffisaient à ébranler l'adversaire, sur la fin, non, parce qu'il en faut toujours plus, parce que l'énergie monte, parce que l'adrénaline monte. Bref, c'est comme ça. C'est effectivement le truc. Et non, Maxence, il n'y aura pas de Okada versus Jinder Mahal. Voilà. Non. Ce n'est pas possible. Et ça vaut mieux pour Okada parce qu'il est tellement fort, ce Jinder Mahal. Ouais, c'est clair. Avec les frères Singh. Pour terminer, on en parlait un petit peu déjà. On va passer en revue des événements marquants qu'on n'a pas encore discuté. Donc du show du lendemain, donc The New Year Dash. Donc du coup, ce qui se passait là-bas, d'assez important. Du coup, on peut partir du principe déjà qu'il y a eu un match entre le Suzuki Gun et Taguchi Japan. Le Suzuki Gun Lyon a gagné de façon dégueulasse, hein, comme ils le font quand ils sont des vrais heels. Et à la fin, donc Suzuki appliquera une prise de soumission, une espèce de nibar tonitruant à Tanahashi, et prendra le micro et prendra la ceinture intercontinentale. Et en gros, voilà, Suzuki, Minoru Suzuki, se place maintenant sur la route de l'as de la New Japan. Donc on aura clairement une rivalité et un match Suzuki contre Tanahashi qui promet d'être assez violent pour Tanahashi, puisque ça va forcément jouer sur taper directement sur les blessures. Donc on espère que Tanahashi va se remettre, hein, parce que ce match peut être très très très salivant, puisqu'on a d'un côté peut-être le meilleur heel de la New Japan, hein, le heel, comme je disais, le boss Yakuza complètement fou, contre la star de ces 10 dernières années au niveau de New Japan, hein, ça peut être assez intéressant. Ouais, sachant que Suzuki a jamais gagné le titre IWGP, il pourrait avoir un petit run de champion intercontinental, et puis ça serait une bonne occasion d'envoyer Tanahashi à l'hôpital, hein, un match après face à Suzuki. Ça peut laisser des traces et du coup mettre un petit peu sur la touche Tanahashi, une belle façon de le mettre en pause. Bah en tout cas, j'ai hâte de voir ce match Suzuki Tanahashi. Je mets ça dans mon petit agenda. Je vais suivre ça de très près. Très bien. J'en salive d'avance. On a aussi, on vous le disait, bah du coup le Bullet Club, hein, Badok Fale, les frangins de Tonga qui ont repris les titres Never Open Weight Tag Team, donc à Chaos. Toujours niveau Bullet Club, on a eu un match, on commençait à le dire, avec une partie de Bullet Club menée par Cody Rhodes contre Taguchi Japan avec Kota Ibushi. Et à la fin, Cody qui s'acharne sur Kota. Et donc, comme tu le disais, Kenny Omega qui arrive, hein, pour empêcher que Cody le tabasse avec une chaise. Donc, grosse prise de bec dans le ring entre Cody et Omega. Ça se finit où c'est plus ou moins Kenny qui fait « c'est moi leader, c'est moi leader ». Cody qui fait « ah ouais ». Ah ouais, ok. Et Cody qui se casse. Et un peu de tout Bullet Club qui se casse. Pas forcément en suivant Cody, mais ils s'en vont. Et il reste plus que Kenny Omega dans le ring. Kenny Omega qui tape une promo, qui dit en gros, ok, il en a marre, le Bullet Club, il y a trop de rembrouilles, trop d'histoires, on est plus une soudée, on n'est plus une équipe, et je veux qu'on redevienne une équipe. Et j'ai réfléchi et j'ai trouvé comment on peut faire. Et ce qui manque, le ciment qui manque au Bullet Club aujourd'hui, c'est Switchblade Jay White. Il a dû bien morfler du match d'hier, hein, donc, Omega, pour arriver à cette conclusion. Il s'en est pris dans la gueule. Hein. Donc il est là en disant ça, il a un tir dans la main, Jay White arrive, on devine ce qui va se passer. Et bah oui, Kenny Omega propose un t-shirt Bullet Club à Switchblade, qui hésite, Kenny qui fait ok, vas-y. Et donc Jay White qui finit par mettre le t-shirt, hein, parce que se faire offrir une place de choix au sein du Bullet Club, ça ne se refuse pas quand on est un gaging à la New Japan. Là, Jay White fait un tout switch, genre, eh, vas-y, on célèbre. Et là, Kenny fait non, on fait plus ça maintenant, on fait plus ça. Ah, vas-y, viens, on fait un câlin, on fait un hug. Donc, du coup, les deux se font un câlin au milieu du ring, magnifique, le public est content. Sauf que, ils sont là, ils se tiennent le bras. Puis Jay White, il fait Blade Runner sur Kenny Omega. Il se casse, bien sûr, il envoie paître le t-shirt Bullet Club. Et ça nous tisse forcément, eh bien, le nouveau, le prochain challenger, peut-être pour la belle ceinture rouge, hein, pour la Red Sonia de Kenny Omega, serait Switchblade Jay White. Alors là aussi c'est gros, hein, on le disait après son retour à New Japan, directement un match contre Tanahashi à Wrestle Kingdom. Là, le match au prochain gros event qui serait un match pour le titre américain contre Kenny Omega, grosse pression sur les frais, les jeunes épaules de Jay White. Ouais. Et propulsé, voilà, sur le devant de la scène, encore un plus gros challenge que peut-être d'affronter Tanahashi. Il va se mettre tout le Bullet Club à dos. Alors, est-ce qu'il va intégrer un clan? Est-ce qu'il va former un clan? Qu'est-ce qui va se passer? C'est joliment exécuté quand même, hein, tout ce segment-là. La prise de bec entre Cody Rhodes et Omega dans un premier temps, et puis ce petit retournement de situation là, je pense à son que c'est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait une séparation entre l'élite et le Bullet Club. Ouais. Parce que l'élite sont vraiment dans un délire, donc Omega et les Young Bucks, et gravitent autour un peu Cody, un peu Martin Skrull et Hangman Page, qu'on n'a pas vu d'ailleurs de Wrestle Kingdom, hein, ni du lendemain. Mais c'est quand même plus Omega et les Young Bucks qui sont un peu dans un délire un peu rigolo, et le Bullet Club, Chase Owens, Cody, Bag of Fale et compagnie, qui sont plus dans le délire encore un peu plus menaçant, un peu plus heal. À un moment donné, ça va forcément splitter. Je pense que Omega commence peut-être à faire un peu trop d'ombre au reste du Bullet Club pour que ça prenne, quoi. Il y a vraiment, il y a vraiment trois étages au Bullet Club. Ça fait un moment que c'est teasé. Ils sont très nombreux hein, dans le club. Il y a la famille Tonga là qui essaye de créer son petit clan interne. Ça va être très intéressant. On va voir comment ça va se terminer. Et puis on est curieux aussi de voir ce que fait Cody. Alors après, il y a cette série là du Being the Elite qu'on voit sur YouTube, mais c'est pas trop synchrone avec ce qui se passe parce qu'on est plus dans la blague, même si on voit un peu les tactiques de Cody qui met des manigances dans le dos d'Omega, c'est toujours plutôt sur le mode comique. Ouais. Là, c'était beaucoup plus sérieux, ils étaient vraiment très, très vénères quand ils sont tapés dessus. Voilà, il y a plein de pistes. Qu'est-ce que va faire Switchblade dans tout ça? Je sais ce qui fait Switchblade. Il va rejoindre Los Ingobernables. Non, pas du tout. Switchblade, il a rejoint Chaos et c'est pour de vrai. Ah ouais? Il s'est déjà fait. Il a rejoint Chaos effectivement. Donc il y a eu une vidéo post tout ça. On voit effectivement Jay White en costume avec bien sûr son petit collier et son couteau. Hein. Voilà. Donc du coup il rejoint Chaos. Il y a une petite conférence de presse où il est avec Okada. Mais Jay White dit aussi à Okada de pas d'être confortable ni d'être trop tranquille hein, parce que Jay White dit qu'il est seulement dans Chaos pour son propre bénéfice. Et qui viendra tôt ou tard pour le titre AWGP Heavyweight. Donc voilà. Un membre de plus dans le clan Chaos. Exactement. Ah, tout ça est très bien. M'en frotte les mains. Le dernier match de cette soirée post Wrestle Kingdom, c'était donc bien sûr Chaos justement contre Los Ingobernables des Rapones. Donc on a Bushi Evil, Takahashi, Sanada et Naito, donc tous les ingouvernables contre Chaos. On a Gedo, Hiroki Goto, Okada, Will Ospreay et Yoshihashi. Donc du coup un gros match qui se finit par la victoire des ingouvernables. Donc c'est un peu le moment le good feel good moment des ingobernables, c'est ce soir là hein, puisqu'ils finissent, ils ont détruit tout le monde chez Chaos, le public est en feu à la fin après le match. Donc ils continuent à attaquer notamment Okada hein, qui est plus que seul. Donc Okada finit ce gros semaine de catch complètement étalé par terre dans une prise de soumission portée par Sanada hein, donc son skull end et donc ce n'est pas pour rien puisqu'on apprendra le lendemain que Sanada a lancé un challenge à Okada pour la ceinture Heavyweight Championship. D'accord. Et Okada a dit qu'il accepterait seulement si Sanada accepte son challenge pour les tag teams. C'est-à-dire que Sanada veut la ceinture de Okada. Okada dit ok, seulement si tu es prêt à mettre tes ceintures tag team en jeu contre Goto et moi-même. Oh. Donc et oh là là. Voilà, et je crois que Sanada a accepté et Evil ont accepté, donc du coup voilà ce qui se propulse hein, puisqu'effectivement à la fin de ce New Herb Dash on voyait Sanada qui était très fort hein, il a maîtrisé Okada, il le met dans sa prise de finition, Okada ne s'en remet pas donc voilà, Sanada contre Okada et un petit Evil Sanada versus Goto Okada. Voilà ce qui nous occupe chez eux. Et enfin, le dernier qui nous reste, c'est Naito. Hein. Quid pour Naito, qu'est-ce qu'il va faire parce que tout le monde est occupé? Eh bien, à la fin de ce show, Naito fait une promo hein, au micro en finissant en disant « Ok, d'ici là, tranquilo !» Les Ingobernables commencent à partir, Naito Wrestle dans le ring commence à partir aussi, et quelqu'un fend la foule pour venir tabasser violemment Naito. Et c'est qui? C'est Chris Jericho, l'alpha. Y2J. Ouais. Donc pourquoi ça vient pas de nulle part hein. C'est parce qu'il y avait eu une petite feud sur Twitter et par interview interposée entre Naito et Y2J sur est-ce qu'on est dans un double main event ou pas. Il y a eu des mots échangés de l'un ou de l'autre et c'est le terreau qu'il nous faut pour pouvoir faire cette rivalité Chris Jericho alpha du catch contre Naito l'ingouvernable. Et donc Naito à mon nez j'adorais, où Chris Jericho est évacué assez rapidement par les arbitres, les Young Lions etc, et Naito qui chope une chaise et Festi qui va la jeter à travers le ring et le public sur Y2J, mais finalement la dépit, l'installe et se met en pose comme ça, dos, en offrant son dos à Jericho en disant vas-y, viens mec, viens si tu veux, moi je suis tranquillo quoi. Ça c'est très cool. Voilà, la classe. Voilà, bah encore une fois joliment exécuté. Y2J, ben voilà, il est signé, donc il revient pour un petit tour, un en petit tour cas, de piste. En tout cas, au moins un deuxième match, c'est sûr. Au moins un deuxième match, c'est sûr. Voilà. Bah c'est sûr qu'il va pas. Bon, il a ça, ses concerts à faire. Hein, il joue de la musique. Hein. Ouais. Mais bah hey, on est hypé de fou, hein, parce que maintenant on va voir Naito contre Y2J. Et comme je dis, c'est les deux meilleurs heels du monde, peut-être, du coup. Entre Chris Jericho d'un côté, Naito de l'autre. Ben voilà, ben on va devoir rester sur la New Japan hein, encore toute l'année, les enfants. Hein. Eh voilà, oui. Alors, du coup. On vous tiendra peut-être informé. Hein, si vous le réclamez, on vous tiendra peut-être informé de la suite. Très bien. Rapidement, traditionnellement, le mot de la fin, mon cher Ring. Un top, flop, un top, une note. Exactement. Le top, bah on va le donner au Omega Y2J hein, qui était au rendez-vous, juste qu'on avait envie de voir et ce qu'on verra nulle part ailleurs. De toute façon, ça c'est un match qu'il fallait regarder au Wrestle Kingdom parce que vous n'aurez pas l'occasion de le voir ailleurs. Le flop, bah, y a pas grand chose à flopper dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on va voir, le mettre sur les costumes hein, qui étaient dégueulasses. Voilà, beaucoup trop de costumes dégueux. Et ma note, on va mettre un bon 4,75. Hein. On n'est pas aux 5 étoiles, on est un petit poil en dessous du fait de un peu de positionnement sur les cartes qui était pas parfait. Voilà, donc 4,75. Ça marche. Très bien. C'est... enregistré. En ce qui me concerne, eh ben, mon flop, ça va être en fait sur peut-être le trop grand nombre de ceintures qui, du fait, nous a obligé à avoir une carte avec des matchs au début qui n'étaient pas sans sas. Je pense notamment au Gauntlet match pour le tag team Never Open Weight. Je pense notamment du coup au tag team match entre Evil Sanada et les Killer League Squad qui du coup se trouvaient dans la carte dans un positionnement où ça n'a pas pris. C'était s'il y avait eu peut-être un match ou deux en moins, on n'aurait pas eu des matchs qui étaient sympas mais pas qui étaient un peu moyens. Le premier tiers du show, il y a des trucs sympas mais il y a aussi eu un moment un peu creux. Donc je mettrais mon flop là-dessus. Voilà, j'aurais bien enlevé un ou deux matchs qui m'étaient pas très ouais, je sais pas. Pas au niveau de la toile. Pas au niveau du reste, en fait, c'est ça. C'est sûr, ça dessert le show. Voilà, quand même, il faut reconnaître, hein, même si je mettrais une bonne note au Wrestle Kingdom au global, il y a quand même eu 2-3 matchs qui étaient clairement en dessous de tout. Enfin, en dessous du reste, hein, je veux dire. Et du coup, ça pénalise un peu l'ensemble. Et ça, c'est dû au défaut de ceinture. Il y a trop de ceinture, on veut qu'elle soit défendue, donc du coup, on les met. Et les matchs sont pas vraiment là. Donc voilà. Mon top, ouais, c'est compliqué hein, de mettre un top. Je vais tenter de dire comme toi. En même temps aussi, j'ai beaucoup trippé sur Suzuki, sur Naito. Ouais, non, pour le côté un peu exceptionnel, parce que ça, ce booking très intelligent qui a transcendé les frontières, qui a fait que tout le monde en a parlé. Ouais, Jericho Omega. Pas tant pour le match, mais pour tout ce qu'il y a eu, même l'avant, en fait. La façon dont c'était annoncé, le côté choc et brut de cette annonce, de ces vidéos, etc. C'était juste quelque chose qu'on voit pas souvent dans le monde du cash, donc il faut le relever, récompenser. Et maintenant, je mettrais un 4,5, pas 4,75, hein, je sais pas, des 25, etc. 4,5, parce que, effectivement, voilà, il y aurait pas eu, j'aurais enlevé 3 matchs, je pense, à la carte. J'aurais pu mettre un 5. Donc voilà, un peu trop de ceinture, un peu trop du coup de matchs obligatoires qui sont pas aussi bons que le reste. Mais dans tous les cas, voilà, un show très très bon. On espère que vous avez aussi trippé. En tous les cas, encore une fois, on est super content de voir que pas mal de gens du Catch Up Universe ont regardé ça. Hein. D'autres qui nous disent sur les commentaires et sur le chat que c'est la première fois qu'ils regardent un match New Japan. Donc du coup, on est content que ces différentes vidéos New Japan vous aient intéressé. Et encore une fois, on vous remercie pour ça. Je te remercie aussi Ringsan Sensei pour cette trilogie de vidéos qu'on a faites qui était très très cool et où j'ai aussi beaucoup appris hein, grâce à ton enseignement là-dessus et ses connaissances. C'était vraiment très très cool. Donc je sais merci pas. Merci à toi d'avoir fait tout le boulot surtout. Hein, voilà. Réalisation, écriture, présentation. Bravo, bravo Amiral. C'est un plaisir et peut-être qu'on fera dans l'année si on en a envie les uns les autres, nous deux dans l'équipe Catch Up, hein, des petites vidéos, on parlera de ce qui se passe au Japon parce qu'il est clair que de toute manière, ce qui est certain depuis l'année dernière, l'aura de la New Japan a dépassé ce qu'elle était jusqu'à présent et des gens qui étaient plus sur du produit purement américain, produit purement WWE comme moi, bah, commence à être intéressé. On a vu aussi d'autres, toute notre équipe regarde aussi, il a regardé New Japan. Bref, voilà, ça devient maintenant un élément du monde du catch et on en parlera peut-être à l'occasion. Mais d'ici là, elle va forcément retrouver, que ce soit Catch Up Raw, Catch Up SmackDown, Catch Up NXT que fait Hank, Talking Catch, hein, l'émission où on parle de catch, donc il devrait y en avoir une dans les bacs bientôt que Hank est en train de concocter. Et bien sûr, tous les pay-per-view, prochainement le Royal Rumble et bien sûr le NXT Takeover qui aura la veille. Pour savoir ce qu'on fait, ben, il n'y a qu'une solution, ou quelques-unes en tous les cas. Inscrivez-vous sur notre page Twitter ou sur notre page Facebook. Abonnez-vous à notre page YouTube pour avoir les notifications, nous voir en vidéo, tout ça. Laissez des commentaires, des pouces, des notes, dites-nous ce que vous avez aimé, pas aimé. Dites-nous ce que vous voulez qu'on discute comme sujet, qu'on couvre comme show, etc. Et bien sûr, pour l'audio, parce qu'on reste toujours aussi un podcast audio, bien entendu, eh bien, il y a iTunes et PodCloud. Voilà, merci pour ce run tout japonais. Domo arigato gozaimasu minasan, comme on dit. Encore une fois, eh bien, écoutez, passez de très bons moments à regarder la Wrestle Kingdom si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a vraiment des moments qui sont complètement dingues. Et donc, on se retrouve très prochainement, hein, puisque là, dimanche, il y aura le NXT et bientôt le Talking Catch et le Raw et le SmackDown. On vous dit à très très vite tout le monde. Merci pour tout. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu, exactement. Et à très vite. Salut.